Stephen King aime la mécanophilie, Stephen King aime le rock rétro, Stephen King a écrit Christine et John Carpenter l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Bonjour Chris. Et salut. Tu m'accompagnes une nouvelle fois. Oui. Pour parler d'un réalisateur que tu aimes beaucoup et moi aussi. Je suis avec toi en passager. Ouais, en sur le copilote. C'est ça, méfie-toi, hein. Peut-être que la voiture me possède. C'est ça. Moi j'ai pas le permis de toute façon donc. Et quoi qu'il en soit, nous sommes en route. Donc aujourd'hui, on parle du livre de Stephen King sur les voitures automatiques, voilà, livre d'anticipation, Google, tout ça. C'est ça. Plus sérieusement, bon, évidemment, on va spoiler le livre et le film, comme d'habitude. Christine, c'est un roman qui est sorti en 1983 en version originale et en 84 en France. Le rythme des traductions commençait à s'accélérer à l'époque. Pour cela, il n'y a plus que quelques mois, alors que c'était 2-3 ans sur ses premiers livres. Ah, King commençait à être un petit peu en mouvance chez nous aussi, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Et le film est sorti le 9 décembre 1983. C'est un bon film de Noël, effectivement. Ouais. Et c'est mon anniversaire, le 9 décembre. Bon, j'étais pas né, mais... Ah oui, alors tu es très vieux. Ouais, j'avais moins 9 ans. Enfin, très vieux, non, mais... Bah, c'est parti, en route. Et là, en route, mauvaise troupe. Appuyez sur le champignon. Christine nous raconte l'histoire d'Arnie, un lycéen un peu solitaire, un peu gauche, un peu persécuté par ses camarades, qui n'a qu'un seul ami, Dennis, qui est un ami très proche. Ah oui, Peter Parker, je connais. C'est un peu un Peter Parker, hein, ah clairement. Oui, clairement. Et un jour, il tombe sous le charme de Christine, une Plymouth Fury de 1958, une voiture rouge, qu'il trouve dans un état pourtant lamentable. Elle roule à peine, tout est cassé. Il la rachète à son ancien propriétaire, Roland Lebay, pour $250, malgré les conseils de son ami Dennis, donc, qui lui dit de surtout pas faire ça. Personne n'aime Christine, tout le monde se sent inquiet en sa compagnie, sauf Arnie qui va peu à peu commencer à la réparer, à lui redonner toute sa gloire d'antan. Et quand tu dis personne n'aime Christine, c'est même pas juste l'aspect de la voiture en tant que telle, c'est vraiment viscéral quoi, c'est personne ne l'aime viscéralement et personne ne peut expliquer pourquoi. Ouais, c'est une réaction de rejet instinctif, ouais. Donc pour le résumer, je pense que ça suffira, on entrera plus dans les détails ensuite. Le choix de faire de Christine une Plymouth Fury, c'est parce que à l'époque où il a écrit le livre, c'était une voiture dont on parlait plus beaucoup. Il y avait des voitures cultes de ces années-là, il voulait que ce soit une voiture rétro, évidemment. Il y avait des voitures cultes de ces années-là, mais la Plymouth Fury n'en faisait pas partie, et King ne voulait pas justement prendre une voiture qui soit une légende vivante de son époque, il voulait quelque chose de plus banal. Bon, il se trouve que depuis, via Christine, la Plymouth Fury est devenue une voiture un peu culte. Mais c'est depuis l'écriture du roman. Le roman a une narration un peu particulière, parce qu'il est divisé en trois parties. La première et la dernière sont narrées par Dennis, donc le meilleur ami d'Arnie, qui va peu à peu se rendre compte que ce dernier s'éloigne de lui. Et la partie centrale est à la troisième personne, et passe d'un personnage à l'autre. On a plusieurs personnages points de vue selon les chapitres, elle est beaucoup plus déconstruite, on va dire. Et donc la raison, c'est pas vraiment un choix artistique, il n'y a pas vraiment de message derrière de la part de King. En fait, le problème, c'est qu'il avait commencé son roman avec Dennis en point de vue, et à un moment, il fallait, pour l'intrigue, que Dennis soit immobilisé. Mis de côté, donc c'est pour ça qu'il va à l'hôpital, sauf que King s'est rendu compte que bah, du coup, il avait plus de point de vue pour son histoire. Alors il a bien essayé de le raconter en gardant Dennis comme point de vue, en ayant des gens qui viennent lui faire des sortes de rapports, lui raconter ce qui se passe, il entend des rumeurs... Mais ça marchait pas du tout, et donc le roman est resté en pause pendant quelques temps à cause de ça, d'après lui, parce qu'il arrivait pas du tout à poursuivre jusqu'à ce qu'il se dise « Bon bah, fuck it, tant pis, je vais faire une partie à la troisième personne, et puis voilà, ce sera pas bien grave. » Mais donc c'est parce que King s'était mis tout seul dans une impasse. Une autre petite particularité, c'est que chaque chapitre du roman porte en exergue un extrait du texte d'une chanson ou d'un poème pour un chapitre rock, alors plutôt ancien, même si c'est pas vraiment que années 50, même dans le roman. Des chansons de voiture dans la première partie, des chansons d'amour dans la deuxième et des chansons sur la mort dans la dernière. C'est le titre d'ailleurs des trois parties. Sur internet, on trouve des listes des chansons utilisées, mais c'est assez rigolo parce qu'il y en a une ou deux d'entre elles qui n'ont pas été identifiées, et moi-même, en recherchant les paroles sur Google, je n'ai rien trouvé, alors je sais pas si c'est que King fait référence à des trucs particulièrement obscurs, ou si c'est qu'il a modifié un peu les paroles, ou que c'est des trucs inventés carrément, j'en sais rien, mais il y a des chansons où on trouve pas les références. Donc bon, voilà, si vous voulez vous amuser à ça, bah allez-y. Le roman est dédié à George Romero, c'est pour ça d'ailleurs que cette histoire ne se passe pas dans le Maine, mais à Pittsburgh, qui est un peu la ville qu'on associe beaucoup à Romero, c'est là où il a habité longtemps, c'est là où se passe l'intrigue de plusieurs de ses films, donc c'est la ville de Romero. D'ailleurs, il y a deux romans de King qui sont dédiés à Romero, l'autre c'est Cellulaire. Cellulaire, ouais. Qui me semble aurait dû être réalisé par Romero. Ouais, tandis que je crois que ça a jamais été prévu pour Christine, par contre. Il y avait déjà eu, à l'époque, Creepshow. Ils avaient déjà fait ça ensemble, mais c'est tout. Le premier tirage est de 270 000 exemplaires. Le précédent roman de King chez le même éditeur, c'était 150 000 exemplaires. C'était Cujo. Donc, augmentation brutale. Et après, il y a un gros temps où il écrit soit chez d'autres éditeurs sous le nom Bachman, soit des trucs de La Tour Sombre, soit il écrit aussi le premier tome du Talisman avec Peter Straub. Mais son roman suivant, publié sous son nom chez cet éditeur, c'est ça. Et là, on passe à 800 000 exemplaires, hein, donc là, on plaisante plus du tout à cette époque avec les tirages de King. Bah ça, il me semble que c'est l'un des plus gros succès de la littérature, tout genre confondu, hein. Ouais, c'est un énorme succès. En termes de nombre de réimpressions, il me semble que ça fait partie des records. Mais dès le premier tirage, 800 000 exemplaires, quoi. Ouais. Déjà de base, pour un roman qui est quand même un sacré pavé. Oui, oui, ça se compte, c'est plus d'un millier de pages. Hein. Ouais, c'est ça. Chez nous, là-bas, ça a été sorti en 3 tomes, chez Gélu, il me semble. Ouais, il y a une édition chez lui en 3 tomes, ouais. Et encore maintenant, c'est en 2 tomes. Oui. C'est pas en un seul. Comme Le Fléau et Dôme. Oui. Et les Tommyknockers, peut-être. Tommyknockers, c'est en combien de tomes? Non, maintenant, il y a des... Au début, oui. Mais maintenant, il y a des éditions en 1 tome des Tommyknockers. Oui, voilà. Mais la première sortie, ouais, je crois qu'elle était en 2. Et Insomnie aussi, d'ailleurs. Chez nous, oui. Le livre reste 32 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times, sans jamais atteindre la première place, apparemment. Mais bon, 32 semaines sur la liste, c'est déjà pas mal, à partir de sa sortie en avril. Effectivement, 32 semaines, ça fait quand même plus la moitié d'une année. C'est quand même pas mal, oui. Selon Publisher Weekly, c'est le 5e roman le mieux vendu aux États-Unis en 1983. En 4e place, il y a La petite fille au tambour de John le Carré, que je connais juste parce qu'il a été adapté par Park Chan-wook en mini-série, mais j'ai pas vu la mini-série. John le Carré, si on aime les romans d'espionnage, c'est très très bon. Il faudrait que j'en lise du John le Carré. Alors, à la première place de cette année, c'était la novélisation du Retour du Jedi. Mm-hmm. Bon, voilà. À la deuxième, un truc appelé Pologne de James A. Michener, que je ne connais pas du tout. Et à la troisième place, Cimetière. Oui. Voilà, bon. Une bonne année, on va dire, pour le mec. Clairement. Et il arrive 6e dans la liste du prix Locus du meilleur roman de fantasy 84. Et j'ai pas vérifié, mais je crois que Cimetière est aussi à une des 5 premières places, en fait. Ouais. C'est quand même du joli classement. Ouais. Bah surtout quand tu prends en compte que du coup la première place est phagocytée par... plus par un nom, parce que la novélisation Star Wars se vend plus parce que c'est Star Wars que par une vraie qualité d'écriture derrière. Oui, je pense. Enfin, je l'ai pas lu, hein. Si ça se trouve, elle est très bien, mais c'est clairement pas sur ça que ça s'est vendu, en tout cas. C'est un King qui, aujourd'hui, arrive souvent dans la moyenne des classements que je trouve. Je l'ai jamais vu dans un top 10, une ou deux fois dans un top 20. Mais voilà, c'est tout. Il est jamais non plus dans les pires places. C'est un King qui est considéré comme, voilà, dans la norme. Et on va passer à notre avis à nous. Que penses-tu de Christine ? Bah écoute, pour le coup, je rejoins l'avis des classements que tu viens de donner. Pour moi, c'est pas un King extraordinaire. C'est clairement pas un King nul non plus. C'est un King, oui, de milieu de tableau, mais de milieu de tableau haut. Parce qu'il y a quand même énormément de qualité. Déjà, les personnages qui sont tous attachants. Même Arnie, au tout début du roman, hein, et ça devient un salopard, mais pour d'autres raisons. mais clairement il est super attachant au début du roman et on comprend pourquoi en fait il tombe d'affection pour cette bagnole, lui qui du coup n'a jamais eu en fait de vrai univers à lui, puisqu'on apprend très vite que bah, au final il vit pour ses parents plus que pour lui-même, puisqu'il fait tout ce que ses parents veulent, il suit les mêmes études que ses parents lui indiquent, les écoles où il doit aller c'est ses parents qui lui indiquent, et tout ça, le fait qu'il n'ait pas d'univers à lui, le fait qu'il soit guidé en fait par ses parents et aussi par Denis au final, on comprend pourquoi il s'attache à cette chose qu'il qualifie au début du roman d'aussi laide que lui. Et ça aussi, du coup, on comprend l'attachement qu'il peut avoir envers cette bouse infâme qu'est Christine au début du roman. Oui, je suis d'accord. Ça permet d'amener très progressivement l'aspect fantastique, parce qu'en effet, il y a des raisons qu'on peut dire rationnelles au fait qu'il s'attache à Christine dans un premier temps. Après, très vite, ça devient clairement beaucoup trop. Oui. Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est clairement de l'obsession. C'est ça. Mais en effet, le personnage est vraiment bien écrit. Moi, j'aime bien justement la stratégie d'écriture. C'est peut-être King qui a été un peu forcé, qui s'est mis dans une impasse, mais je trouve que ça donne quelque chose d'avoir cette deuxième partie... Un peu déconstruite, où tu vois juste, en fait, un personnage qui est en train de sombrer, mais tu le vois surtout par le regard des autres, parce qu'il y a assez peu de moments sous le point de vue d'Arnie, quand même. C'est même une minorité. Ouais. Donc, c'est juste tout le monde qui le voit peu à peu... sombrait de plus en plus et qui se désole pour ça, et je trouve ça intéressant comme manière d'écrire, d'être plutôt du côté des spectateurs, avant de revenir à Denis qui du coup revient dans une situation qui est devenue catastrophique, et lui il en a quasiment rien entendu parce que Arnie lui rendait plus visite à l'hôpital ou quasiment plus. Et il est totalement démuni en plus de la situation, qui a perdu le contrôle, alors que justement avant son accident, donc, en fait, il se retrouve à l'hôpital car il y a un gros contact qui se produit pendant un match de football américain. Et du coup, il se mange un mec à pleine vitesse et il se retrouve la jambe dans le plâtre suite à un gros accident. Qui, quand on voit la description de King, on n'aimerait pas le vivre. Non. Ça avait l'air douloureux. Ouais. Voilà. Et pourtant, il n'avait pas encore eu son accident à lui. Oui, en plus. Mais on sent que le personnage est démuni quand il revient dans la partie 3, que il se sent un peu responsable de n'avoir rien pu faire et d'avoir été bloqué à l'hôpital pendant tout ce temps. Et je te rejoins, en fait, la partie 2, totalement déconstruite, je trouve que ça nous transpose bien, justement. Parce que nous-mêmes, on est totalement perdus à ce moment-là du roman. Parce que je trouve que là où King réussit bien, alors je sais pas du coup si c'est voulu ou pas, mais je trouve que... Au moment où les premiers meurtres arrivent, on ne sait pas si c'est la voiture qui est autonome elle-même ou si c'est Arnie qui commet ces crimes. Oui, c'est ça. Au début, on peut vraiment avoir le doute. Au début, on peut vraiment penser que c'est Arnie qui pète un câble et qui décide de buter tous ceux qui se mettent entre lui et Christine. Ouais. Et je trouve que justement, encore une fois, que ça soit voulu ou pas, je trouve que l'effet rend très très bien. C'est vraiment l'une des forces, je trouve, de cette seconde partie du roman. Ouais, et puis elle fait, du coup, elle fait un peu enquête policière, oui, avec les policiers comme si on recueillait en fait des indices, des témoignages de plein de personnes pour essayer de reconstruire une image complète, c'est ça. Qui est potentiellement ce qu'a fait Denis après pour reconstituer cette partie du récit en réalité. C'est ça. On se met à sa place, en fait, à la place de Denis quand il revient et que du coup, il faut tout reprendre en main et il doit mettre toutes les pièces du puzzle, et c'est pour ça que même lui, dans sa partie, quand il revient dans la troisième partie. C'est une succession de chapitres au début où il va voir d'abord les parents d'Arnie, surtout le père. Ouais. C'est surtout avec le père qu'il est en relation. Il va voir le père, il va voir Leight, donc la petite amie d'Arnie. Ouais. Avant que... Ça se prononce pas Lee. Enfin, dans le film, il me semble qu'il prononce ça Leight. Je sais plus, j'ai déjà oublié. La petite amie d'Arnie. Ouais. On va dire ça comme ça. Mais oui, lui-même en fait mène l'enquête. Alors que par contre, lui, il me semble, n'a aucun contact avec la police qui... avec l'inspecteur qui mène l'enquête de son côté. Non. Tu suis vraiment deux enquêtes parallèles. Non, il a pas de raison d'être en contact avec l'inspecteur, parce que comme il est à l'hôpital tout le temps quand se produisent les meurtres, il est même pas indiqué sur la liste des suspects, donc on vient pas le voir, effectivement. Meurtres qui, on en reviendra, parce qu'ils sont assez différents finalement que ceux du film. Les meurtres sont ultra graphiques. Vraiment, ils sont détaillés. C'est assez bourrin, assez violent. Moi, vraiment, en lisant les meurtres, j'ai eu des flashbacks du boulevard de la mort de Tarantino, par moment. c'est brut de décoffrage. Il y a pas mal de différences dans l'ambiance entre le roman et le film, hein. Ça on y reviendra, c'est vrai que c'est... Le film est plus posé sur cet aspect-là. J'aime bien, je trouve que c'est un roman bien écrit, tout ce côté référence à des chansons qui constituent une sorte de playlist du film. En plus, vu qu'il y a ce thème récurrent autour de Christine, c'est un peu comme si la radio c'était l'âme de la voiture, et qui diffuse que des vieilles chansons, et le fait que ça se reporte dans les avant-titres de chapitre, je trouve que ça donne presque l'impression que Christine prend possession, entre guillemets, du roman. Même si j'ai pas écouté toutes les chansons et que c'est une culture musicale, enfin la mienne commence un peu plus tard, la culture musicale, donc je connais pas bien ce à quoi ça fait référence, mais je trouve que ça donne un ton. Et autre point que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est tout ce qui est sous-intrigue, parce qu'il y en a énormément dans Christine. Déjà il y a l'histoire amoureuse entre Arnie et Light, puis ensuite Denis et Light, parce qu'au final, forcément, la relation avec Arnie commence à péricliter, et du coup, finalement, elle finit par tomber amoureuse du meilleur ami. Il y a aussi l'intrigue avec le garagiste, j'ai oublié son nom. Oui, j'ai oublié aussi. Qui envoie Arnie faire des Arnel. Courses. Arnel, qui l'envoie faire des courses à l'autre bout du pays pour il l'envoie faire ce qu'on appelle aujourd'hui du go-fast, en fait, tout simplement. Il l'envoie pour ramener des clopes de manière en douce. Et d'autres choses, potentiellement, ça on le comprend aussi, qu'il n'a pas que transporté des cigarettes, il a transporté aussi de la cocaïne et diverses autres drogues. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une enquête policière. C'est-à-dire, il y a la police qui est intéressée par lui, par ces trafics-là, et t'as un autre policier, puisque c'est le FBI qui, lui, de son côté, enquête sur ce garagiste-là, et ensuite, l'autre flic qui enquête sur les meurtres, et il voit que, ah tiens, il y a un lien entre les deux. Ouais, que ça se rejoint, Ça se rejoint, et du coup, au bout d'un moment, il chope Arnie, il l'amène au commissariat. Ça, on l'évoque maintenant, parce que c'est quelque chose que Carpenter oublie totalement. Oui. Toutes ces sous-intrigues-là. Or, on y reviendra, mais je pense qu'il a eu raison, parce que, voilà. C'est clairement une bonne décision, on y reviendra. Mais King, il a toujours été habitué à faire des sous-intrigues comme ça, c'est pas toujours réussi. Mm-hmm. Et là, pour le coup, c'est réussi et ça sert tous les personnages. Ça les fait tous évoluer. Ouais, je pense que c'est parce que là, les sous-intrigues sont déjà vraiment sur des personnages qui sont les personnages principaux. D'ensemble, celle qui rate chez King, c'est quand il introduit un personnage pour une sous-intrigue un peu en marge et qu'elle se connecte mal au reste. C'est ça. C'est surtout dans ces cas-là qu'elles peuvent être un peu hors de placement, les sous-intrigues. Alors que là, ça fait grandir tout le monde et ça nous amène à comprendre surtout pourquoi Arnie devient comme ça. Parce que là aussi, c'est totalement différent du film. Ouais. Là, il y a plus une histoire de possession. Enfin, c'est Christine, le roman, est plus une histoire de fantôme et de possession. Ouais, dans le roman, c'est assez sous-entendu qu'il y a encore l'ancien propriétaire de la voiture, Roland Lebay, et même qui est potentiellement, potentiellement d'autres propriétaires d'avant. Ouais, c'est ça. Mais leurs esprits qui restent dans la voiture et qui se désagrègent lentement, d'ailleurs. On les voit des fois à travers le rétro, c'est à chaque fois. Et puis même, des fois, y a un moment où Denis... Il y a un passage génial où Denis monte dans la voiture avec Arnie, ils ont une conversation, qui est longue. Ouais. Et lui, à l'extérieur, il voit l'extérieur comme le Pittsburgh des années 50. Oui. Plus comme le Pittsburgh des années 80, là où se passe le roman. Et c'est qu'au moment où il sort, que paf, il revient dans les années 80. Et à ce moment-là, c'est plus Arnie qui est au volant, c'est Lebay. Il y a des passages comme ça. Et pareil, c'est pareil, il y a aussi un passage comme ça dans tout à la fin, avec l'affrontement entre Christine slash Arnie. Parce que... dans le roman, tu ne vois pas directement mourir Arnie. Parce que c'est raconté, du coup, il a un accident avec ses parents, et ce qu'en suppose Denis, mais on n'a pas de preuves, parce qu'on le voit pas, c'est que Arnie a voulu se libérer à une sorte de dernier instant de lucidité, a voulu se libérer de l'influence de Christine, et elle n'était pas d'accord. C'est ça, elle a provoqué l'accident. En fait, c'était le fantôme de Lebay qui voyait dans la voiture pendant l'affrontement final. Ouais. C'est aussi assez sous-entendu d'ailleurs que l'accident de Denis est plus ou moins causé par Christine, qu'elle influence ça. Alors encore une fois, c'est ça le trouble qui est causé, et c'est plutôt bien fait par King. C'est qu'on ne sait pas du coup si Christine a une vraie conscience ou si c'est Lebay qui possède Christine. Oui. Ça aussi, il y a un énorme doute, et à aucun moment on le saura. Bah, et puis sur ce genre de truc où elle intervient sur l'extérieur, il y a aussi le doute, est-ce que vraiment elle a une intervention extérieure, ou si c'est juste qu'elle inquiète tellement tout le monde autour qu'ils font des conneries qu'ils auraient jamais fait autrement. C'est ça. Et ce doute-là est vraiment jusqu'à la fin, parce que jusqu'à la fin, le personnage a encore peur du fantôme de Le Bay, qui serait encore là, oui. Et qui réussirait à ramener Christine pour se venger. Oui, bah parce qu'il apprend à la toute fin voilà. Que le dernier de ceux qui persécutaient Arnie vient de mourir dans un accident un peu étrange. Et donc il se dit que Christine est là, qu'elle va continuer sa course et qu'il est sur la liste, forcément. C'est ça, et puis il pose aussi la question de qu'est-ce qui a été fait de Christine et du cube, parce qu'elle a été passée au compacteur. Qu'est-ce qui a été fait du cube par la police? Le flic nous explique qu'il est sous bonne surveillance, mais que quand même, pendant le transport, il y a eu un accident. Ouais. Il y a eu une pièce qui a tranché un bout de main à un des flics qui est déplacé. Tu dis, quand même. Ouais, il y a des trucs qui vont pas, même à la fin. Voilà, il y a des trucs qui vont pas. Clairement, ça fait partie de ces King qui se terminent mal. Oui, parce qu'il y a peu de doutes en réalité sur le fait qu'elle va revenir. On sait pas dans combien de temps, voilà. Mais elle va revenir. Elle va revenir. Arnie et ses parents sont décédés. Ouais. Late et Dennis ne sont plus en couple. Mm. Vraiment, c'est l'apocalypse. Et on peut supposer qu'elle aussi, elle est sur la liste. En plus. Alors voilà, il y a la petite lueur d'espoir, c'est on me dit, bon, elle est quand même mariée avec un mec sympathique. Ouais, mais bon. Tu te dis, bon, ça veut dire qu'il y a un mec sympa, on va avoir un veuf sympathique dans pas longtemps. Mais voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà, moi, c'est un roman que j'apprécie, que j'ai eu plaisir à relire, du coup. Mais oui, c'est pas un King majeur. Mais c'est quand même un très bon King. Mm. Faut le replacer dans son époque, c'est-à-dire là, comme on l'a dit, il est coincé, coincé entre guillemets, niveau écriture, entre Cujo et Cimetière, qui sont deux très très très bons kings. Tout ce qui est Charlie et compagnie, c'est pas si longtemps avant ça, donc on est dans une période où les kings sont tous énormes, en fait. Donc Christine, c'est... En fait, en comparaison, on vous conseille plutôt les autres, mais oui, ça reste une très bonne lecture. Enfin, je pense pas qu'on ait de reproches clairs à faire à Christine. Ah non, clairement pas. Clairement pas. Il a... En fait, c'est juste l'histoire en elle-même qui n'est pas extraordinaire. Mm. Mais combien d'auteurs auraient voulu écrire à Christine? Voilà. Ouais, déjà, réussir un livre qui parle d'une voiture possédée, c'est déjà pas mal, quoi. C'est ça, qui arrive pourtant à avoir des vrais moments un petit peu angoissants. Ouais. Clairement pas aussi maîtrisés que dans un Cimetière, ou même dans un Charlie, il y a des moments qui font beaucoup plus peur dans un Charlie. C'est moins émouvant qu'un Cimetière ou un Charlie. Cimetière ou Charlie, je trouve que ça a connecté avec des... Ou même Dead Zone, d'ailleurs. Oui. Même Cujo, aussi. Ça a connecté avec des choses beaucoup plus intimes. Là, il y a les tourments de l'adolescence, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde a connu. Mm. Donc on peut se connecter avec ça, mais... Pour moi, c'est quand même moins directement touchant que ce qu'il y a dans d'autres. Alors que paradoxalement, je pourrais me sentir moins proche de Cimetière, vu que j'ai pas d'enfant. Enfin voilà. Oui. Mais je me sens plus concerné, on va dire. Mais disons que les drames que les personnages vivent dans Cimetière sont des drames typiquement humains, auxquels, on le sait, on le souhaite pas, mais on le sait, on pourrait tous connaître un jour. Oui. Alors que avoir une voiture possédée, bon... Ouais, il y a moins de chances. Il y a quand même moins de chances. Bon, à la limite, se faire casser la gueule se faire bully par un connard au lycée, bon, potentiellement ça aurait pu tous nous arriver. Oui, c'est ça, voilà. J'ai échappé à ça, mais moi ça aussi. Peut arriver à tout le monde. Mais ça peut arriver, voilà. Mais du coup, c'est le seul vrai gros drame qui arrive aux personnages principaux dans Christine, quoi. Ouais. Si en tant que parent, à la limite, tu peux voir ton adolescent devenir un peu fou, avoir une passion soudaine pour quelque chose. Ouais, l'éloignement. Les parents sont assez bien traités à ce niveau-là quand ils voient leur fils s'éloigner. Et que pareil, ils ont l'air... c'était vraiment le fils à papa, Arnie, pendant tout le début. Donc ça les surprend et ça les peine un peu. Et je pense que chaque parent connaît ça, pour le coup. Oui, voilà. C'est pas un drame à proprement parler, mais ça doit être une étape difficile pour chaque parent. C'est ça, clairement. Moi, c'est tout ce que j'ai à en dire. Oui, vous. On verra où on le classera par la suite. Pareil, je pense qu'on reviendra au roman quand on parlera du film, parce que forcément, il y a des trucs qu'on peut pas dire maintenant sans parler plus profondément du film. C'est ça. Et quel film ? Donc, c'est parti pour le film. She is seductive. She is passionate. She is possessive. She is pure. Evil. She is Christine. A 1958 Plymouth Fury. Possessed by hell. Her previous owner is not alive to warn her present one. Once she lures you behind the wheel, you will be hers, body and soul. There is no place you can hide, no place you can run, and nothing you can do can stop her. Because how do you kill something that can't possibly be alive? Christine. Body by Plymouth. Soul by Satan. Alors, le film Christine, il y a pas mal de choses à dire, parce que quand on a un film réalisé par John Carpenter, bah forcément on a une édition Blu-ray avec masse de bonus, et on trouve plein d'informations sur Internet. Très bon Blu-ray de Carlotta, oui, c'est ça ? C'est ça. Et puis en plus, le film étant maintenant assez âgé, les gens se lâchent plus facilement que sur un film récent. Ouais, il y en a une édition de luxe d'ailleurs qui existe chez Carlotta sous forme avec un livre à côté. C'est pas celle-là qu'on a eue. Oui. Mais si vous avez de quoi investir, elle est magnifique. Et n'hésitez pas à nous l'envoyer, messieurs, maintenant qu'on vous a fait de la pub. Ah, faut envoyer ce podcast à Carlotta. C'est ça. Donc, bon, on va commencer tout de suite par Carpenter lui-même, en fait, comme ça ce sera fait. Donc John Carpenter, c'est un réalisateur américain que je pense vous connaissez, réalisateur culte de films d'horreur, avec Halloween, avec L'Antre de la Folie, Prince des Ténèbres, The Thing. Réalisateur aussi culte de films plus orientés action, New York 97, Jack Burton dans Les Rives du Mandarin, Asso. Invasion Los Angeles, Asso. On adore. Voilà, c'est la moitié de ces films, je pense qu'on les considère comme des films cultes. Oh oui. Là, c'est simple, ça fait partie de ces réalisateurs où c'est compliqué de dire « c'est mon film préféré de Carpenter ». Ouais, c'est ça, à la limite, moi, si je devais me faire un petit top 3, de manière amusante, ce serait 3 qui s'enchaînent, parce que ce serait Jack Burton, Prince des Ténèbres et Invasion Los Angeles. Ah. Alors moi, du coup, ça serait Jack Burton, The Thing... Et Prince des Ténèbres. Mais un top 3 sans classement en lui-même. C'est ouais, voilà, top c'est 3, ça. Et top 3, tous à la même place. C'est, oui, non, mais The Thing est dingue aussi. L'Antre de la Folie est dingue aussi. Oh. Halloween, bien sûr. New York 97, c'est aussi un excellent film. Et même dans ces films considérés comme mineurs, du style Ghost of Mars ou... Comment, Le Village des Damnés, je trouve qu'il y a plein de très bonnes choses, en fait. Mais c'est un réalisateur extraordinaire. C'est... Ouais. Et Fog, comment ne pas parler de Fog ? Fog, j'oubliais Fog, effectivement, qui a des effets délirants. En plus, Fog, la manière dont il a fait les effets spéciaux, je trouve ça passionnant. Enfin, voilà, c'est en plus, il est un mec qui avait des petits budgets, souvent Carpenter. Oui. C'est lui qui fait ses propres musiques, et c'est toujours passionnant de l'entendre parler de cinéma, parce que c'est un mec qui a... énormément de recul sur le milieu et sur sa propre filmo, ouais. Qui reconnaît, ça se voit dans le commentaire audio de Christine, je sais pas si tu as entendu, tu l'as écouté. Non, pas encore. En fait, il parle énormément des doutes qu'il a aujourd'hui sur des décisions qu'il a prises à l'époque, donc c'est vraiment passionnant de l'entendre parler, il a beaucoup d'humour, beaucoup de recul. Donc en tant qu'artiste, comme en tant que personne qui parle d'art, c'est ouais, quelqu'un passionnant. De passionnant, Carpenter. Et c'est vraiment un gros regret qu'il soit tellement blasé aujourd'hui de l'industrie hollywoodienne qu'il hésite beaucoup à y revenir, même s'il y a des rumeurs de plus en plus persistantes quand même. Oui, parce que son dernier film actuel, c'est The Yard. Ouais. Qui n'est pas aimé par moi personnellement. The Ward, c'est sympathique. Hein ? C'est The Ward ? Non, The Yard. D'accord. The Yard. Qui se passe dans un film de fantôme très classique, hein, dans un hôpital psychiatrique, que moi je trouve plutôt sympathique. Oh oui, c'est sympathique. C'est clairement pas un grand Carpenter, mais c'est sympathique. Après, c'est un film que beaucoup renient. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Bah, pour moi, son plus gros défaut, en fait, c'est qu'on a dû imposer à Carpenter de pas faire lui-même la musique, et du coup... On perd en ambiance. Ouais, c'est ça. Alors que, bon, c'est pas lui, c'est pas Carpenter non plus qui a fait la musique de The Thing, c'est Morricone. Mais Morricone a adopté un style très Carpenter dans l'esprit. Donc pour moi, c'est le principal truc qui manque à The Yarn. Mais ça reste un film sympathique, ouais. Mais oui, enfin... Carpenter, le cinéma lui doit tellement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le truc, c'est que le cinéma lui doit énormément, et pourtant, quand tu regardes comment agit l'industrie, t'as l'impression que, bah, qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle lui doit. Oui, c'est ça, bah, c'est parce qu'il a... Ce qui est fou avec Carpenter, c'est que deux de ses films, qui sont cultes pour beaucoup aujourd'hui, on va revenir sur l'un des deux, d'ailleurs, c'est des bides monumentaux à leur sortie, The Thing et Jack Burton. Ouais. C'est alors que, bah, grâce au Vidéo Club, les deux sont devenus ultra cultes depuis. Et dont un qui a eu... The Thing de manière plus générale, Jack Burton, c'est un peu plus confidentiel, mais... Dont un qui a eu une suite en comics, Jack Burton, et l'autre qui a eu un remake il y a quelques années maintenant. Bah, qui était déjà un remake, aussi. Oui, en plus, qui est déjà un remake de base, mais qui a eu un remake de celui-là. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que le The Thing des années 2000 n'est pas un remake du vieux The Thing, c'est un remake du Thing de Carpenter. Ouais. C'est dire à quel point celui Carpenter a marqué les esprits. En fait, Christine, de base, je trouve que c'est une histoire qui s'inclut bien dans la filmographie de Carpenter, ouais. Parce que c'est très récurrent chez lui qu'on ait que le mal, ce qui représente le mal, n'ait pas vraiment de visage. C'est-à-dire Christine n'a pas de visage, c'est une voiture. C'est la même chose dans Halloween, on voit jamais le visage de Michael. C'était exactement le point que j'allais aborder. Dans Invasion Los Angeles, bah, c'est quand même un thème très récurrent aussi, les visages, et le fait que tous les extraterrestres ont la même tête, donc ils prennent et ils se dissimulent, donc c'est comme s'ils en avaient pas au final. Le Prince des Ténèbres. Prince des Ténèbres, c'est une entité. The Thing, c'est une entité. Donc il y a le village des damnés, c'est pareil, il y a un mal qui existe et qui prend possession des gens, mais on peut pas dire qu'il y ait... Et c'est très récurrent, en fait, que chez Carpenter, il y ait un mal, quelque chose de maléfique, mais qu'il n'y ait pas de grand méchant à proprement parler. C'est ça, et qu'il soit absolu, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est moi dans Fog aussi, c'est ce qui fait qu'ils peuvent me faire très peur, les Carpenters, c'est qu'il n'y a pas de source originelle de la menace. Ou alors, elle est tellement cachée qu'on ne l'identifie pas. Et du coup, on retrouve ça dans Christine avec cette voiture. Pour la production, au départ, John Carpenter, c'était Charlie qu'il devait adapter. Il avait y travaillé donc avec Dino De Laurentiis et Universal. Il avait demandé un scénario à Bill Phillips. Leur objectif, c'était de faire un Charlie en diminuant les effets pyrotechniques, parce qu'ils jugeaient, même s'ils avaient un budget qui devait être de 27 millions, ils jugeaient que ça ferait vite cheap s'ils en mettaient trop. Et Carpenter était apparemment énormément attaché à ce projet et au scénario de Bill Phillips, qu'il continue à qualifier comme un des meilleurs qu'il ait jamais lu. Sauf que, bah, y a The Thing qui arrive et The Thing qui fait un bide. Et donc De Laurentiis, ça le refroidit un peu, et il dit à Carpenter, bon bah c'est pas 27 millions que t'auras, c'est 15. Et Carpenter, en fait, avait un contrat spécial qui faisait que de toute façon, que le film sorte ou pas, il était payé pour son travail, donc du coup, bah, il touche l'argent et il se barre. Parce qu'il veut pas faire cette concession. Par contre, il lui faut quand même un nouveau projet, et bah, il est pas forcément en odeur de sainteté après The Thing. Bill Phillips, c'est un scénariste qui a pas mal travaillé avec Carpenter sur des projets inachevés. Alors c'est lui aussi qui scénarise Christine, on va y revenir. Mais il aurait dû scénariser aussi un film appelé Sea Story pour Carpenter. Un remake de La Créature du Lagon Noir. Les deux, il a fait un scénario, mais ça n'a pas abouti. Et on lui a aussi proposé Les Démons du Maïs, Dead Zone et The Mangler, qu'il a tous les trois refusés. Et sinon, bah, il a fait rien de bien notable, en fait. Il a scénarisé un film de Michael Crichton avec Burt Reynolds. Je savais même pas que Crichton avait réalisé, en fait, des films, ça m'a surpris. Ça s'appelle Preuve à l'appui, je sais pas si tu connais. Oui, je vois. Je l'ai pas vu, mais je vois. Mais c'est pas Christian qui a réalisé aussi Westworld, le film ? Peut-être, j'ai pas fait gaffe. Il me semble, parce que tu disais... Je savais pas du tout, hein, moi, qu'il avait réalisé des trucs. Si, effectivement, c'est lui qui a scénarisé... Alors, Monde Ouest, le titre français, apparemment. Je savais pas qu'il en avait un. Donc, pour revenir à l'histoire de Christine, c'est le producteur Richard Kobritz qui avait les droits du livre... parce que c'était déjà le producteur de la mini-série Salem, réalisée par Tobe Hooper. Oui. Et comme King aimait bien cette mini-série, il avait envie de retravailler avec Kobritz, donc il lui propose dans un premier temps Cujo. Mais là, Kobritz n'était pas chaud pour l'adapter, il voyait pas comment s'y prendre. Christine, par contre, ça l'emballe beaucoup plus. Et comme il avait déjà travaillé avec Carpenter sur le téléfilm Meurtre au 43e étage, qui est très bien aussi, Kobritz va contacter Carpenter, qui dit oui. mais parce qu'il a besoin d'un boulot. C'est sa principale raison, et en fait, il reconnaît aujourd'hui que c'est qu'il l'a accepté sans être forcément passionné par le roman. Alors, il le détestait pas, loin de là, mais il trouvait que c'était un roman qui manquait un peu d'âme. Il a jamais très bien compris l'attrait du protagoniste pour la voiture. Lui, il a jamais réussi à vraiment connecter avec ça. Et il aurait vraiment, de loin, préféré faire aboutir son Charlie Carpenter. Il revient vers le scénariste Bill Phillips, histoire de rattraper ce projet inabouti. Au départ, il était réticent, Phillips, quand il a appris que c'était une histoire de voiture tueuse, mais il change assez rapidement d'avis en lisant le roman et en se rendant compte qu'il y a quand même tout un aspect humain. Il a assez peu de temps pour écrire le scénario, parce que comme tout le monde voulait profiter que le livre avait encore du succès, était encore numéro 1 des ventes, le tournage est lancé très rapidement. Donc le tournage est lancé, je crois, en août 1983, et le livre était sorti en avril. Donc Phillips, en fait, a écrit le scénario en 60 jours. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Il n'y a pas de réécriture, au contraire de ce qui se fait souvent dans l'industrie du cinéma, parce qu'il n'y avait clairement pas le temps. Et en fait, de manière amusante, ça va aller tellement vite qu'au final, Christine va sortir avant Charlie, le film. Il y a plusieurs décisions qui sont prises assez tôt pour s'éloigner du roman de base. Une des plus importantes, c'est de supprimer tout ce qui concerne l'esprit de Roland Le Bay, qui normalement donc possède la voiture et apparaît, comme on l'a raconté. Il y a deux raisons qui poussent Carpenter et Bill Phillips à ne pas le faire. La première, c'est que il faut bien simplifier l'histoire pour faire un film. Et la deuxième, c'est que 2 ans auparavant, il y avait Le Loup-garou de Londres qui était sorti, de John Landis, et qu'il y avait déjà un personnage comme ça, de mort-vivant, qui se désagrégeait lentement tout au long du film. Et donc Carpenter avait trop peur que, niveau effets spéciaux, il soit comparé à ça et qu'il puisse pas faire mieux, en fait. Donc il a pas voulu renouveler. Il choisit aussi de rendre certains aspects plus cinématographiques et de largement atténuer la violence. Donc les meurtres, les scènes de meurtre vont plus être orientées vers le côté action-divertissement que vers le pur gore brutal, comme ça peut être le cas chez King. Il n'y a pas de sang, en fait, dans le film de Carpenter. Il n'y a rien du tout. En fait, il voulait que le film soit plus ludique que ne l'était le livre, parce qu'il jugeait qu'une voiture tueuse, c'était dur à traiter au premier degré. À l'image, ça marchait en roman, mais en film, il voyait pas comment traiter ça de manière vraiment premier degré, donc il a décidé d'assumer et de prendre un peu plus de recul, de traiter ça avec un peu plus d'humour, on va dire, de légèreté. C'est une décision sur laquelle il aura des doutes par la suite, est-ce que c'était avisé ou pas. Et du coup, on s'est retrouvé dans une situation particulière, parce que les studios, sachant que c'était adapté de King, ils disaient que ça faisait quand même plus crédible d'avoir une interdiction rated R. Le souci, c'est qu'avec la violence atténuée que voulait mettre Carpenter, c'était pas assez violent pour arriver à une telle interdiction. Et donc, comme Carpenter ne voulait vraiment pas rendre son film plus violent, le choix qui va être fait pour obtenir l'interdiction voulue, ça va être de le rendre plus vulgaire. Et c'est pour ça que le film, en fait, est bourré d'insultes avec des personnages qui parlent de manière... alors, comme devait parler pas mal d'ados, mais il y a pas mal d'insultes, pas mal de remarques sexuelles et compagnie. Et apparemment, c'est un des trucs qui a choqué la critique à l'époque, qui a dit « Ouais, c'est le film le plus vulgaire qui ait jamais été fait. » Bon, en décembre de la même année, il y avait un truc appelé Scarface qui est sorti. Oui. Du coup, Christine, plus personne n'en avait rien à foutre, hein, à ce stade-là. Ouais. Il faut bien se rendre compte d'une chose, quand même. C'est extraordinaire, parce qu'à l'époque, ça veut dire que les studios voulaient des films violents, classés R, donc potentiellement, qui pouvaient amener moins de monde à acheter une place. Alors que je pense que ça attira un autre public, en fait. Ouais, mais aujourd'hui, c'est l'extrême contraire qui se produit. C'est-à-dire, on demande aux réalisateurs de films de genre d'atténuer la violence pour amener le plus de gens possible en salle. C'est ça qui est extraordinaire, en fait. C'est-à-dire que, à l'époque, les mecs disaient à Carpenter, mais vas-y, lâche-toi, du coup, tu sors partout. C'est ça. Je pense que c'est parce qu'ils voulaient surfer Stephen King, donc horreur, donc violent. Je pense que c'était ça leur logique derrière. Ouais, mais aujourd'hui, même ça, tu vois bien que, par exemple, le dernier cimetière, tu vois qu'il a été... que clairement, c'est amoindri. Ah oui, carrément. Clairement, c'est propre. Oui. En fait, vraiment, dernièrement, il y a que les ça de Muccetti, en fait, qui sont vraiment violents visuellement. Qui ont des vrais passages assez trash. Ouais, et puis certains moments de... comment ? De Dr. Sleep sont assez violents quand même. Oui. Mais là, pour le coup, tu surfes sur, euh, sur Kubrick qui avait des moments assez terrorisants. Oui, pas voilà. Violents visuellement, oui. Mais terrorisants. Donc pour le coup, t'es dans une saga, t'es obligé de garder un peu la même éthique. Tu vois. C'est... Alors que quand c'est des nouvelles licences, tu sens que les studios sont relous avec ça et avec les auteurs de cinéma de genre. Bah, il y a une... J'ai l'impression qu'il y a une mouvance, alors je sais pas si elle va continuer, mais suite à la sortie de trucs genre Deadpool, qui a voulu pousser les studios à refaire des trucs rated R, mais c'est des trucs qui restent extrêmement sages en fait, qui vont avoir du sang, mais qui en dehors de ça sont méga sages, donc je trouve pas ça très intéressant à titre personnel. Bah, et puis surtout qu'on est au final qui critique les autres films de genre alors qu'ils font exactement pareil. Ouais, c'est-à-dire oui, Deadpool, dans le fond, ça reste un film de super-héros d'un mec qui veut sauver sa nana, quoi. Oui, c'est ça, c'est voilà. Même plutôt le bas du panier, c'est la manière dont c'est fait. Le seul, pour le coup, qui a... Parce que tout le monde pointe Deadpool du doigt comme quoi c'est celui qui le fait le mieux. Non, celui qui fait le mieux, pour moi, c'est Logan. Ouais, que pour j'ai toujours coup, pas Logan est vraiment réussi et fait vraiment bien le taf de film de super-héros pour adultes. Mais pour adulte, pas dans le sens, je fais des blagues pipi caca, je mets du sexe et je mets du sang. Non. Oui, c'est ça. C'est vraiment mature parce que l'intrigue est mature. Parce qu'on te parle de vieillesse, on te parle de décès, voilà, on te parle de choses, bah oui, qui arrivent dans la vie des adultes. Et en fait, c'est ça la maturité, c'est d'avoir des sujets adultes, pas de mettre du pipi caca partout. Bah c'est ça en fait, le problème c'est que rated R c'est bien, mais c'est faut que le sujet suive derrière. C'est faire un truc juste violent et vulgaire pour le fun, ça apporte pas grand chose. Voilà. C'est ce que font les gamins en fait finalement. Bah oui, c'est exactement ça. Donc voilà, pour la petite histoire de Christine. L'intrigue est déplacée à Rockbridge, qui est une banlieue imaginaire de la Californie. C'est aussi dans le même type de banlieue que se passait Halloween de Carpenter, et il aimait bien en fait ce genre de décor très propre, ouais. Qui permettent d'installer l'horreur d'une manière qu'il trouvait intéressante. Au casting, la Columbia qui produit le film voulait prendre des acteurs connus, mais Carpenter et son producteur Kobritz avaient le dernier mot là-dessus par contrat, et donc ils choisissent au contraire d'aller vers un casting pas très célèbre. Une des raisons en fait c'était de ne pas dépenser trop d'argent dans le casting et de pouvoir en garder pas mal pour les effets spéciaux et pour le tournage. Et au départ, un acteur envisagé qui était en tout début de carrière pour le rôle d'Arnie, c'est Kevin Bacon. Mais qui, on lui propose Footloose au même moment, et il choisit d'accepter Footloose, mais apparemment il s'est excusé, il se sentait limite mal de se désister comme ça au dernier moment. Donc le producteur garde un très bon souvenir de lui. Et au final, c'est Keith Gordon qui est choisi pour Arnie. Auparavant, il avait déjà eu quelques rôles, notamment un rôle dans Pulsion de Brian De Palma, un autre excellent film. On revient énormément à Brian De Palma dans cette émission. Oui, c'est vrai. Il revient très souvent. Il a continué sa carrière d'acteur depuis, mais il s'est aussi et pas mal tourné vers la réalisation. Alors, j'ai vu aucun de ses films, mais il y en a un qui a l'air intéressant, un truc appelé The Singing Detective, avec Robert Downey Jr., Robin Wright, Mel Gibson, Katie Holmes ou Adrian Brody. Je connais pas. Qui est une histoire de scénariste qui a une maladie mentale et qui s'échappe dans une sorte de scénario fantasmé, comédie musicale, film noir. Oula. Ça a l'air un peu bizarre, mais assez fun en fait. D'accord. Et il a réalisé des épisodes de pas mal de séries, dont Dexter, The Strain, Fargo, Légion, Homeland. Donc des séries qui ont plutôt bonne réputation. Oui. Dans le rôle de Dennis, on a John Stockwell. Il a un parcours un peu similaire. Il s'est tourné aussi vers la réalisation, mais là je connais beaucoup moins ce qu'il fait et ça m'intéresse beaucoup moins. Il a un rôle secondaire dans Top Gun. En réalisation, il a fait un film avec Wesley Snipes qui s'appelle Riposte Armée et un avec Paul Walker qui s'appelle Bleu d'Enfer. Les deux ont vraiment pas l'air dingues. Ah, Bleu d'Enfer, je l'ai vu. Et bah, c'est nul, quoi. D'accord. Avec Jessica Alba, il me semble aussi. Ouais, je crois, ouais. Oui, bah c'est nul. Et visiblement, d'après Keith Gordon dans le commentaire audio du film, ils étaient pas très proches pendant le tournage parce qu'il y avait un peu une rivalité de jeunes acteurs débutants. Enfin, ils étaient pas ennemis, mais ils étaient pas super proches comme devait l'être leur personnage au début. L'actrice Alexandra Paul, elle a une énorme, qui vous lit, donc a une énorme filmographie. Mais je connais quasiment rien, c'est surtout des rôles secondaires et j'ai l'impression des films assez obscurs ou des trucs télé assez obscurs. Les seuls titres que je connais dans le tas, c'est elle a un rôle récurrent dans Alerte à Malibu et elle a un rôle dans Sharknado 4. Ah. Mais enfin, j'ai pas vu Sharknado 4 ni Alerte à Malibu. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir Sharknado 4 Si je me souviens bien, il y a un Shark Parade dessus et il est particulièrement nul le 4. Mais je confonds peut-être avec le 5 parce qu'il y en a tellement. C'est une série à laquelle je ne vois pas trop d'intérêt. Mais... Non, moi non plus. Les films qui font exprès d'être nanards. Ah, c'est l'heure des croquettes du chat. Ouais, c'est ça, donc le chat qui débarque beaucoup plus rapidement qu'à son habitude pour manger. C'est le moment où elle court. C'est un spectacle un peu touchant. Et un peu ridicule aussi. Et un peu ridicule. Il faut bien le dire. Et l'autre acteur, en fait le seul acteur un peu connu du casting, c'est Harry Dean Stanton qui joue le détective. Il a une carrière, alors il était actif depuis les années 50 en fait, dans les années 50 et 60 il jouait beaucoup dans des séries télé de détectives et de western, dans des trucs type Rawhide et compagnie. Mais on va surtout le connaître pour la deuxième partie de sa carrière à partir de la fin des années 70 où il devient un second rôle de luxe. Il est dans Alien, par exemple, dans New York 97, de Carpenter aussi. Il a le rôle principal de Paris, Texas, de Wim Wenders. Et il apparaît régulièrement chez David Lynch, puisqu'il est dans Sailor et Lula, Inland Empire et la dernière saison de Twin Peaks. Et il apparaît, nous on le reverra, dans La Ligne Verte. Oui. Et, petite anecdote, il a chanté la chanson Home is in your heart dans Les Bisounours, le film, en 1985. Pardon. Voilà. Eh ben écoute, c'est pour ce genre d'anecdote que je suis content de venir enregistrer. Ouais, ça m'a fait marrer en le voyant. Je savais même pas qu'il y avait eu un film Les Bisounours. Ah si, il n'y en a pas eu qu'un d'ailleurs, mais... Arnie, voudrais-tu te calmer s'il te plaît et réfléchir un moment? Où vas-tu trouver le pognon? J'ai fait des économies tout l'été. Oui, pour tes études. C'est facile pour toi de dire ça, t'as déjà une voiture. Arnie, ce gars-là est en train de te baiser. Tu pourrais avoir une voiture décente pour une somme pareille, merde. Oh, Christine est très décente. Ce vieux est bizarre, Arnie. Il est vraiment bizarre. Alors, on a dit 300? Oui, c'est ça. Vous avez dit 250. Va pour 250. Arnie, mais si tu es si persuadé que c'est une bonne idée, tu veux pas revenir demain matin? Tu réalises que cette voiture a 20 ans? Je veux dire que ça fait d'elle une véritable antiquité. Bravo. Bravo, seulement le garage de Darnell est plein de ce genre d'antiquité. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, je veux l'acheter, je me fous de ce que tu dis. J'ai ton fric après tout, hein. Le tournage, lui aussi, comme l'écriture, est très rapide, 5 semaines de tournage, pour un budget, alors selon Wikipédia, je crois, il est de 10 millions, selon le making-of, il est de 8 millions, bon, dans les deux cas, c'est pas beaucoup. Disons 9, du coup. Voilà, c'est ça. C'est 5 de moins que sur The Thing. C'est un tournage dont Carpenter garde un plutôt bon souvenir, parce qu'apparemment il a été assez amusant et il n'y a pas eu de gros problèmes. Il y a quelques trucs dans le commentaire audio, comme je disais, où il dit « Ouais, ça, si j'avais eu plus de temps, je l'aurais fait autrement, ça, j'aurais refait ses plans, là, on a eu des problèmes de lumière, j'aurais aimé que ça soit autrement. » C'est pour ça que c'est vraiment passionnant à écouter, parce que Carpenter, il a aucun problème à admettre qu'il y a des trucs dont il n'est pas satisfait dans ses films. Anecdote rigolote, dès le premier jour de tournage, Carpenter est arrêté par la police pour excès de vitesse. Voilà, avant le début du premier jour, parce qu'il était à la bourre. Il se fait arrêter par la police qui vérifie qu'il a pas bu et compagnie, enfin visiblement tout le contrôle. Pour des anecdotes de tournage, je vais en sortir certaines que j'ai trouvées parmi les plus intéressantes, on va essayer d'aller plus ou moins dans l'ordre du film. La scène d'introduction est filmée avec de la pellicule Fuji au lieu de la pellicule Kodak qui sert pour tout le reste du film. Et c'était pour donner un grain différent à l'image. En fait, la pellicule Fuji fait une image plus douce, avec un côté un peu plus vieillot. Ouais. Et comme la scène se passe dans les années 50 à la création de Christine, il trouvait que c'était bien d'avoir ce côté plus doux et de revenir à quelque chose de... Ouais, effectivement, dans la luminosité d'un peu plus froid, juste après. Oui, un peu plus granuleux, ouais. Ouais. Il utilise énormément une caméra en mouvement, avec un système qui s'appelle le Panaglide. Donc c'est un ancêtre de la Steadicam, en fait. Et ça permettait, selon lui, dans les scènes de dialogue, de leur donner plus de dynamisme, parce que c'est un film où ça parle beaucoup, Christine, sans en avoir l'air. Et pour les scènes avec Christine, en fait, ça permet toujours de l'approcher comme on approcherait d'un prédateur. Mmh. Elle est toujours filmée comme si c'était une sorte de créature dangereuse qui pouvait nous sauter dessus à tout moment, Christine. Elle est filmée comme un félin. C'est ça, à ce niveau-là, ça marche très très bien pour la rendre charismatique, ce qui est bizarre à dire d'une voiture. Elle est vraiment inquiétante. Et c'est un système, le Panaglide, que Carpenter avait déjà énormément utilisé sur Halloween, donc il aimait beaucoup. Au contraire, il teste d'autres trucs niveau réalisation, et la scène de combat au début, quand Dennis s'oppose à des gars qui persécutent un peu Arnie, elle est filmée, elle, quasiment uniquement en gros plan, il n'y a aucun plan d'ensemble de la scène, et ça, c'est Carpenter qui voulait tester de filmer une scène de combat sans plan d'ensemble. Et elle est vachement lisible, donc moi, je m'en étais limite pas rendu compte que ça manquait de plan d'ensemble. Oui. Elle est vachement lisible et ça permet en plus de pas avoir à utiliser de cascadeur. Donc je trouve ça intéressant. Clairement. D'ailleurs, à propos du premier plan d'apparition de Christine, qui est assez long en fait, tu suis pendant longtemps Arnie et Dennis dans leur voiture, et après ils reviennent en arrière et ça panote sur Christine, et Carpenter en dit « j'avais du style à l'époque, pas beaucoup, mais un peu », ce qui m'a fait rire. Des Christine, il y en avait 20 au total, enfin il y a eu 20 Plymouth Fury qui ont été achetées, qui ont été repeintes, certaines ont été combinées pour construire 17 voitures en état de marche, et visiblement, même en faisant ça, ça tombait régulièrement en panne. Donc, y avait tout un garage de réparation des Christine qui était dans le même décor que le garage d'Arnel, en fait, qui était dans une deuxième partie du local, qui était une ancienne usine de la guerre. Ils avaient mis tous les trucs pour réparer les Christine, parce qu'apparemment, il y a plein de prises qui foiraient, parce qu'il y avait des systèmes qui marchaient plus dans les voitures, quoi. C'était des vieux trucs. Et ils en ont détruit, sur les 17 restantes, ils en ont détruit 15 pendant le tournage. Et dire qu'ils sont fiers de leur, ouais, de leur bagnole. C'est ça. Et Carpenter regrette de pas en avoir gardé une pour lui. On lui a proposé, mais il a pas voulu à l'époque et il le regrette depuis. Il est con aujourd'hui. Ouais, tout de suite. Ouais, c'est ça. Pour les effets spéciaux et les cascades, ils ont fait avec les moyens du bord. Au départ, en fait, une des scènes qui est les plus impressionnantes niveau effets spéciaux, c'est la scène où Christine se répare toute seule. Ouais. Au niveau de l'éclairage, elle est magnifique, il y a ce plan sur Arnie qui se fait éclairer par les phares, que je trouve superbe. Et après, on voit Christine se réparer, et ça a été filmé avec la même technique que souvent dans The Fog, donc à l'envers. Ouais. Ça se voit. C'est ça. Ça se voit, mais ça rend bien. Ça se voit, mais ça rend bien, et il y a des trucs où ça se voit beaucoup plus. Hein. En fait, c'était des pistons qui détruisaient la voiture de l'intérieur. Et au départ, ça devait être fait en hors-champ, en fait. C'est juste au montage que Carpenter s'est rendu compte que ça marchait pas, et donc avec son directeur des effets spéciaux, Roy Arbogast, ils ont décidé de faire ça. Donc Arbogast, il a travaillé sur beaucoup d'effets mécaniques, dans Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type ou Le Retour du Jedi. Et avec Carpenter, il est aussi sur New York 97, The Thing, Starman, Invasion Los Angeles et Le Village des Damnés. Donc collaboration récurrente. Et nous, on le retrouvera sur Carrie 2, La Haine. Donc, qui n'est pas aussi bien. Oui. Voilà, c'est, je trouve pas que c'est la catastrophe qu'on en dit, petite digression, mais c'est pas aussi bien que ça, hein, loin de là. Et au niveau des cascades, c'est le cascadeur Terry Leonard qui s'y colle, et il devait conduire dans une voiture qui avait les vitres en grande partie teintées, en noir, d'une part pour qu'on ne le voit pas lui, et d'autre part parce que ça permet de laisser le même doute que dans le roman, en fait. On ne sait pas s'il y a quelqu'un au volant de Christine pendant assez longtemps. Donc on peut se dire, c'est peut-être Arnie qui a pété un câble. Mmh. Évidemment, quand on a lu le roman, ça marche moins bien, mais quand on l'a pas lu, on peut avoir le doute. Même si on s'en compte quand même... Enfin, l'accent est quand même mis assez rapidement sur la voiture démoniaque. Ouais, clairement, à partir du meurtre de la station-service, on se dit, ouais, là, y a personne dans cette voiture. À partir de là, y a plus de doute. Voilà, c'est ça. Même dès la scène d'intro, tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Oui. Mais bon... Oui, c'est ça, mais tu peux te dire quand même, il y a quelqu'un derrière, peut-être que ça possède Arnie pour qu'il conduise, qu'il est là quand même, mais visiblement, non, pas du tout. C'est ça. D'ailleurs, la cascade où Christine est en feu, en étant prise dans une explosion, puis en roulant sur une route de campagne, un autre plan superbe, ouais, la voiture est vraiment en feu, en fait, hein, c'est du vrai feu. Le cascadeur a une combinaison, une ifugée à l'intérieur, un casque intégral et tout, mais visiblement, il pouvait pas y rester longtemps dans la voiture et fallait se méfier parce qu'il fallait pas que ça atteigne le moteur. Enfin, il faut pas que ça pète, quoi. Ouais, c'est ça. Visiblement, autant le cascadeur, ça allait, autant Carpenter, visiblement, il était plutôt flippé à ces moments-là. Parce que c'est de la cascade bien poussée, en fait. Ouais. Et autre truc qui est à l'inverse de tout ce qui se passe d'habitude sur les tournages, au moment de tourner la scène de combat final qui a été tournée relativement vers la fin, Carpenter avait trop d'argent. Donc il a pu visiblement bien se lâcher, rajouter des trucs, en simplifiant à l'extrême le storyboard qu'on lui avait fait parce qu'il n'en était pas fan, il le trouvait trop alambiqué, il a préféré se concentrer vraiment sur l'action, aller au plus simple. Très élégamment, quand le bulldozer grimpe sur Christine à la fin, lui dans le commentaire audio, il parle de Christine qui se fait sodomiser. La classe de Carpenter. Putain, bravo. Voilà. Non, mais ce commentaire audio est hilarant, il crache sur Hollywood, sur les projections test, enfin c'est magnifique à écouter. Et il encourageait son acteur pas mal à souligner la romance et même le côté assez sexuel de la relation avec Christine, avec effectivement un Arnie qui caresse la voiture de manière très sensuelle à pas mal de moments. Ouais, je veux dire, si personne s'en rend compte, c'est ouais, là, vraiment... c'est, dans le film, c'est très flagrant. C'est très très flagrant. Ah oui. Au niveau de la musique, contrairement à ce qui est souvent le cas chez Carpenter, on a une majorité de chansons qui existaient déjà avant, en fait, des chansons rock, pour reprendre un peu l'esprit du film, avec des chansons plus contemporaines quand même que dans le livre original. On va trouver les Rolling Stones, on va avoir des trucs comme ça. La majorité sont décidées dès l'écriture du scénario pour tout de suite poser l'ambiance avec l'aide du superviseur musical Michael Hawks. La chanson qu'ils ont eu du mal à trouver, c'est celle pour l'introduction, qui est finalement Bad to the Bone, qui est depuis devenue culte, mais qui à l'époque était vraiment pas très connue, enfin pas autant qu'elle l'est devenue. Et c'est Bill Phillips, en fait, qui l'a entendu avec sa petite amie, et sa petite amie lui a dit « Bah, ça répond à ta question, c'est la voiture qui est mauvaise, c'est pas quelqu'un qui la contrôle, elle est mauvaise de base. » Elle trouvait que ça permettait d'installer ça, et Bill Phillips, puis John Carpenter et son producteur ont trouvé que c'était effectivement une bonne idée. Il y a quand même quelques pistes composées, comme d'habitude, par Carpenter et son complice Alan Wars, apparemment quasiment totalement improvisées. Et j'aime vraiment bien le thème de Christine, qui est pas le plus mémorable de Carpenter, mais justement, ça donne un côté assez difficile à saisir, que j'aime bien. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais je suis tout à fait d'accord. Globalement, la BO au global des films de Carpenter, extraordinaire. Oui. Et celle de Christine est tout aussi bonne, quoi. Ouais, c'est un très très grand compositeur, Carpenter, hein, ça, pour le coup. Pareil... Le nombre de trucs qui ont repompé certaines de ces BO, comme Halloween principalement. Enfin voilà, ça a inspiré plein de BO de l'époque. Le thème d'Halloween, c'est probablement l'un des thèmes de slasher les plus connus, quoi. Oui, c'est ça. Et il y a plein de thèmes de slasher qui reprennent l'idée d'Halloween, de toute façon. Le film va rapporter 21 millions au box-office, donc environ deux fois son budget, ce qui est pas mal. Sans être extraordinaire. C'est honnête. Ça permet à Carpenter de retrouver un bon budget de 20-25 millions sur son prochain film Starman, qui rapporte à peu près ce qu'il a coûté, donc ça va. Bon, après, il a 25 millions pour Jack Burton dans La Griffe du Mandarin, et là, c'est de nouveau la chute encore plus brutale que sur The Thing, d'ailleurs. Ce qui va réabonner Carpenter au très petit budget après, s'il enchaîne sur Invasion Los Angeles et Prince des Ténèbres, qui sont des minuscules budgets. À l'époque, ça fait pas partie des plus appréciés, des plus célébrés, ni dans les films d'horreur de l'époque, ni dans la filmographie de Carpenter. Il a pas mal été réévalué depuis, jusqu'à devenir un classique de Carpenter. Et Carpenter lui-même, en fait, pendant longtemps, il a eu des gros doutes sur ses décisions dans Christine, et il y a des interviews qu'on trouve des années 90 où il dit « Ouais, j'ai eu tort, j'aurais peut-être dû aller plus dans le gore, je suis pas sûr que Christine... marche très bien, je suis pas sûr que la suppression du cadavre de Lebe était une bonne idée. » En fait, il pensait au tournage que la couleur rouge de Christine suffirait à suggérer toute sa violence, mais il a eu beaucoup de doutes après. Mais dans les commentaires audio de l'édition Blu-ray, il semble beaucoup plus apaisé par rapport à ça, et même s'il y a toujours des choses qu'il regrette de pas avoir fait autrement, il a l'air d'être plus à l'aise avec ses choix principaux, en tout cas. Et King lui-même trouve que c'est une bonne adaptation. Il la classe pas dans ses favorites, mais il a pas grand-chose à lui reprocher. En fait, il trouve principalement que, pour une raison de durée, la relation entre Arnie et les autres a été un peu réduite, que le développement d'Arnie est moins profond que dans son livre. Et donc, actuellement, le film a 69% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 8e de ce qu'on a chroniqué pour le moment entre La Tempête du Siècle et Cujo. Et il a 3,7 étoiles sur Allociné, ce qui le place premier à égalité avec Carrie et Dead Zone. Tu crois que ça va aller ? Oui, ça va maintenant. Tu sais que tu m'as fait très peur. Débarrasse-toi de cette voiture. Je ne monterai plus jamais dans cette voiture. Attends une minute, tu ne vas pas me dire que c'est de la faute de Christine. Il s'est passé quelque chose. J'ai senti quelque chose qui m'étouffait. La radio s'est mise en marche. Tout est devenu brillant. Et qu'est-ce que t'en conclus ? J'aurais pu mourir, Arnie, et tu n'as rien fait pour m'aider. Ma porte était verrouillée. Et tu voulais empêcher cet homme de m'aider. J'ai cru qu'il t'attaquait. Comment voulais-tu que je sache qu'il te faisait la respiration artificielle? J'aurais pu le faire, moi aussi. Mais tu ne l'as pas fait. Il y a autre chose. Cette radio, elle ne passe que des vieux airs. Il y a des fois, quand on s'embrasse, elle s'arrête. Comme si cette voiture était jalouse, Arnie. Cette sale bagnole! Bon, laisse ça. Je le ramasse. Tu sais ce que je crois? Je crois que tu es sexuellement frustré. Voilà, c'est tout pour la production. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'informations sur la production d'un film. Et on va pouvoir en passer à nos avis. À toi l'honneur. Christine, je pense qu'on peut le dire sans fâcher beaucoup de monde et sans se tromper. Oui, c'est un classique. C'est pas mon Carpenter préféré, mais c'est quand même un putain de film. Oui, c'est ça. C'est réussi de bout en bout. Alors, c'est bien parce qu'on va pouvoir reparler du fait que ça sert à rien d'être totalement fidèle à un roman pour réussir à en sortir la substantifique moelle, tout en comprenant du coup ce que le roman dit, parce que oui, effectivement, Christine est loin d'être l'une des adaptations les plus fidèles. Même Carpenter fait fi d'énormément de choses, mais toujours au profit de son histoire, au profit du film et au profit du plaisir qu'on a en tant que spectateur à vivre le film. Ouais. Parce que clairement, l'histoire de Le Bay, ça aurait apporté beaucoup trop de choses. Ça aurait fait que le film aurait été chiant, tout simplement. L'histoire des voyages d'Arnie pour la drogue et des clopes, c'est pareil, ça aurait été beaucoup trop chiant. Même si du coup, ça diminue par contre l'impact du flic et de l'enquête policière. Oui. Qui, en fait, pour le coup, même carrément, ce personnage aurait pu être totalement zappé, on n'aurait rien perdu du tout. Bah, il apporte juste une pression supplémentaire sur Arnie, sur en fait. Sur le personnage, voilà, c'est ça. Mais je trouve que cette pression-là aurait pu être acquise avec Denis. Avec Denis. Ouais, mais comme il était bloqué à l'hôpital, je pense qu'ils avaient besoin d'un autre personnage, voilà. J'imagine. Moi, du coup, ça, en fait, ça serait mon seul et unique reproche. C'est du coup le personnage de flic, il est là, puis il apporte pas non plus énormément de choses. Il aurait pu être zappé, qu'on n'aurait rien perdu du tout. Ouais, il apporte pas grand chose, mais comme l'acteur est très bon, je trouve la scène de confrontation avec Arnie, je la trouve vraiment cool. Là, on est d'accord. Quand il inspecte bien la voiture sous tous les angles pour voir, c'est bizarre. Arnie qui, comme dans le roman, lui dit « Mais si, regardez, on voit parfaitement la différence de peinture. Non, oui. On voit rien. Arrête de mentir, espèce de petit con. On voit rien du tout. » C'est un film que j'apprécie beaucoup. Effectivement, c'est un film sur l'adolescence, sur la sexualité des adolescents, clairement. La fameuse scène de Christine qui se reconstruit, c'est un jeune homme qui admire le corps d'une femme nue. C'est exactement ça. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, montre-moi en se mettant devant elle. Montre-moi, la lumière, les phares qui s'allument, donc ça flash bien, et il est en admiration devant ça, c'est clairement ça, c'est la découverte du corps de l'autre. Quoi. C'est à la fois effrayant, parce que c'est là où on comprend que Christine est démoniaque et on voit l'immensité de ses pouvoirs, parce elle est invincible puisqu'elle peut se reconstruire. C'est à la fois terrorisant et très beau. Est très sensuel comme scène. Parce que les angles choisis, le rythme, le montage, c'est vraiment une scène de sexe, mais avec une voiture. C'est la force de Carpenter d'avoir réussi à rendre ça crédible, parce que. On l'a déjà évoqué plusieurs fois, adapter King, une des difficultés, c'est que des trucs qu'il peut très bien écrire et qui vont être crédibles en roman, en film, c'est plus compliqué. Et ça. On a vu le problème avec les démons de Mace. C'est pareil, du coup, Le Bay n'est pas là. Le Bay est mort directement, c'est son frère qui vend la voiture. On voit, on comprend plus loin dans le film pourquoi il est mort. En fait, il est mort étouffé dans la voiture. Du coup, on se dit que c'est peut-être Christine qui l'a tué. Et on pourrait commencer à raconter, tu peux penser, dans un film normal, pas fantastique, ça serait un suicide, tout simplement. Ouais. Là, on comprend que c'est Christine qui au bout d'un moment, le tue. Qui avait déjà tué sa fille. Sa fille. Avec la même histoire que dans le roman, pour le coup. Ouais. Mais voilà, c'est Christine qui est démoniaque. C'est elle qui est le mal incarné. La joue de la scène de début où, dès le départ, elle blesse gravement un employé et elle tue un flic sur sa chaîne de montage. Oui. Ça sous-entend déjà largement qu'effectivement, c'est la voiture le problème. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est l'une des grosses différences avec le roman, parce que du coup, le roman, c'est un film vraiment de fantômes slash possession, parce que Arnie est possédé, tout comme la voiture, alors que le film, c'est vraiment la voiture qui est démoniaque, et c'est plus une histoire d'obsession, plutôt que de possession, parce que là, c'est vraiment Arnie, pour le coup, qui, alors peut-être avec l'aide de Christine, qui agirait avec force envers lui, qui aurait trouvé son âme sœur, en fait, en Arnie, c'est possible, enfin, clairement, c'est ça, mais Arnie a quand même le coup de foudre en la voyant. Il y a quand même une histoire d'amour entre les deux qui est très bien retranscrite à l'écran. Et ça renoue avec ce qu'on disait du thème de Carpenter, où le mal absolu, le mal absolu n'a pas de visage, parce que s'il y avait eu Roland Lebay et que c'était lui qui était devenu le mal, Christine aurait finalement été juste un moyen de le faire passer. C'est ça, et c'est tous ces changements-là qui font que Christine... Carpenter, en plus d'adapter Christine, s'approprie le roman en faisant vraiment un film à la Carpenter, avec ces thèmes-là. Ce qui est rigolo, c'est que finalement, Carpenter traite la voiture Christine comme est traitée la voiture dans Roadmaster. Oui. Où il y a beaucoup plus cette idée que c'est la voiture le problème. Oui. En fait, du coup, c'est marrant parce que le roman, par contre, le film aurait été fidèle, le script, je veux dire, de base, aurait été fidèle avec Lebay et tout, la décomposition, tout ça, la possession. Et du coup, la métamorphose du personnage, ça aurait été plutôt un film de Cronenberg. C'est ça qui est rigolo. Là, ça aurait plus collé à un Cronenberg. Alors là, je pense que les studios, pour le coup, ils auraient pas dit non, stop le gars, non. Tu vas trop loin. Non. Ah, mais là. Ça aurait été crash, quoi, le film. Ah, mais de toute façon, et puis avec la possession et le fait de la transformation d'Arnie en Lebay, là, il aurait fait du body horror. Ça aurait été, voilà. Avec Cronenberg sur Christine, ça aurait pas plaisanté non plus. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est marrant, parce que ça reste une adaptation, quoi qu'on en dise, fidèle, même si c'est pas 100%, mais ça reste une adaptation fidèle à Christine, mais avec clairement un Carpenter derrière la caméra, et ça se sent. Il se l'est autant approprié que Cronenberg s'est approprié Dead Zone quand il a fait Dead Zone. Ouais, à la même époque d'ailleurs, ils sortent à quelques mois d'intervalle les deux. Il y avait des bonnes adaptations de King à l'époque, quand même. Oui. Pareil, le combat final avec Christine dans le garage est extraordinaire. Ouais. C'est filmé, c'est magistral comment c'est filmé. Parce que, encore une fois, et c'est le talent de Carpenter, et à mon avis, c'est pour ça qu'il lui restait plein de pognon à la fin, c'est que il a l'art et la manière pour te faire comprendre des trucs sans te les montrer. C'est-à-dire, à un moment, on voit que Christine est toute défoncée, hop, elle passe dans l'ombre, elle y reste que quelques secondes, elle en ressort, elle est propre. Oui. Et donc tu comprends qu'elle s'est rematérialisée, mais tu le vois pas. C'est... Bah oui, en fait, ça s'appelle faire des économies, mais ça s'appelle aussi faire... Montrer des... Enfin non, c'est pas montrer, justement. C'est faire comprendre des choses aux spectateurs sans les montrer. En fait, c'est les cinéastes qui vont pas oublier que leurs spectateurs sont pas cons. Oui, il voilà. Y a cette très belle idée aussi... À la fin de Christine qui a l'avant défoncé et ça lui fait comme des dents, comme si elle avait une mâchoire. C'est ça. Et même sa mort, en fait. T'as une série de plans où tu la vois se détruire, vraiment en passant sous le. C'est pas un rouleau compresseur, mais sous le truc. Et tu sens vraiment la voiture qui meurt dans les pistons, dans les phares qui s'affaissent, dans ce genre de truc. Et tu sens tu sens la douleur en fait de Christine. C'est très très bien fait. Hein. Tu la sens souffrir, et c'est pareil quand elle se fait rouler dessus, sodomiser, du coup, pour reprendre les mots de notre ami Carpenter. Enfin, le tracteur, pareil, tu la sens souffrir en fait, tu sais, quand il lui rentre le. Alors, je sais pas comment ça s'appelle le. Le truc pour ramasser la terre, quoi. Ouais, c'est une sorte de truelle. Voilà, là, quand il lui rentre la truelle dans l'art, hein, forcément, t'as la voiture qui se cambre, en fait, et tu sens la douleur, en fait. C'est incroyable d'avoir réussi à faire passer des vraies émotions de douleur à un véhicule comme ça, alors que c'est totalement inerte, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est incroyable. Et je tiens à dire une chose, en plus, c'est Christine, en temps normal, quand elle n'est pas abîmée ou quoi que ce soit, la bagnole est magnifique. Oui. Elle est magnifique, et d'autant plus que les bagnoles, de base, j'en ai rien à foutre. Ouais, moi aussi. Pour moi, les bagnoles, c'est au mieux un moyen de transport efficace, au pire, un truc qui fait du bruit. Voilà, ouais, donc, c'est un peu pareil pour moi. Voilà. C'est-à-dire, moi, je connais plein de gens qui sont en émoi quand ils entendent un moteur rugir. Moi, ça me fait plus chier qu'autre chose. Je trouve ça détestable. Mm-hmm. Ouais, pour moi, c'est du bruit, ça devrait... En fait, les voitures idéales, pour moi, c'est les voitures électriques de maintenant qui font pas de bruit. Ouais, pareil. Là, je suis content. J'aime pas du tout les bruits de moteur. Alors, c'est dangereux, mais je préfère. Ouais. Et pourtant, Christine, je la trouve... Alors, il y a d'autres voitures que je trouve jolies, mais vraiment, Christine, elle est vraiment sublime, quoi. Bah, elle est toujours rutilante, elle est d'un beau rouge bien vif, ouais, c'est... Puis elle est toujours, encore une fois, vu qu'il y a cette idée de la filmer à la fois comme une femme et comme un prédateur, en fait, elle est fascinante en tant qu'objet de désir et en tant qu'objet d'inquiétude. C'est vachement bien fait à ce niveau-là. Ouais. C'est oui, avoir utilisé, on va dire Steadicam, parce que c'est la même chose, c'est plus connu que Panaglide comme mot. Et des Steadicam pour faire ses mouvements, c'est une très bonne idée parce que quasiment à chaque fois, Christine, tu l'approches de côté, tu finis par la centrer. En fait, t'as vraiment l'impression de tourner autour de son corps, ouais, tant par méfiance que pour l'admirer. Et puis même quand elle est j'ouvre les guillemets, en chasse. Ouais. Bah, elle agit vraiment comme un félin qui poursuit une petite souris, quoi. Oui. Elle tourne autour, elle fait des zigzags, vraiment, elle joue avec la personne qu'elle va tuer. C'est d'ailleurs pour ça que la fameuse scène où elle est en feu, où elle course le mec derrière, elle roule tout doucement. Oui. Elle n'a pas besoin de foncer, elle agit vraiment, pour le coup, comme quand un animal qui prend plaisir à chasser. Elle court, elle est derrière, elle roule tout doucement jusqu'au moment où elle écrase le gars. Bah, en plus, c'est le chef de bande qui a tout provoqué, quoi. Ouais. Elle lui roule dessus et puis voilà, basta. Et alors que pourtant, c'est d'une violence extrême, quoi. Tu roules littéralement sur quelqu'un. Et pourtant, la scène n'a aucun effet de violence. Mmh. Bah, c'est ce qu'a fait la décision de Carpenter, c'est... Les scènes de meurtre vont être plus spectaculaires que gore, oui, au contraire de ce qu'elles sont dans le roman de King. Et bah là, il y a la station-service qui explose avec Christine qui en sort. Même quand elle doit rentrer dans le tout petit cul-de-sac, oui, et qu'elle se détruit elle-même pour pouvoir passer, il y a vraiment un côté plus grand spectacle, oui, qui est amené et qui montre que Carpenter, ouais, il sait comment divertir son spectateur. Et effectivement, là, je pense que ses doutes, il n'aurait pas à les avoir s'il a pris la bonne décision, oui, clairement, vis-à-vis de ce qu'il voulait faire. Et ça renoue bien avec le fait que Carpenter a été aussi un réalisateur de films d'action. J'ai l'impression qu'on le retient surtout comme horreur, alors qu'il a fait des films d'action, oui, absolument géniaux. On classe absolument comme un maître de l'horreur ce qu'il est. Oui. Et oui, clairement, niveau action, il se débrouille à la perfection, quoi. Mm-hmm. Le casting, je trouve, s'en sort vraiment bien. Avec Arnie, je trouve qu'il a bien cette transition de garçon tout gentil, tout timide, à moitié psychopathe. À la fin, l'acteur, il le confesse lui-même, il s'en donne à cœur joie. Hein. Mais elle y est, la scène du dialogue en voiture, ouais, pour le nouvel an. Sauf que bon, ça se passe pas exactement pareil, parce qu'il n'y a pas la transposition dans les années 50 et la transformation en Lebet. Mais à ce moment-là, l'acteur qui joue Arnie, crève l'écran, avec les grands cernes, le maquillage qui lui grossissent les yeux, t'as l'impression que les yeux lui dévorent le visage, il semble vraiment totalement fou. Ouais. La scène est géniale, et ressens vraiment la peur qu'a Denis envers son ami, quoi. Puis je la trouve super bien dans l'éclairage, cette scène-là, parce que t'as vraiment... on voit pas la ville des années 50 en dehors, mais en fait on ne voit rien en dehors. T'as vraiment l'impression qu'ils sont en train de rouler dans du nul. Dans le vide, dans la bise, ouais, t'as juste des lumières, des fois, qui les éclairent en plein visage. Et apparemment, en plus, il roulait vraiment vite. L'acteur, il était flippé. Parce qu'en fait, ils étaient tirés par un grand camion avec plein de lumières placées à l'arrière du camion qui faisait les lumières passantes. Ah, les lumières de la ville, quoi. Mais du coup, visiblement, c'était pas rassurant à tourner comme ça. Ce qui expliquerait vraiment la peur de l'acteur qui joue Denis. Sur ce moment-là. Bah, de toute façon, il y a cette force de Carpenter à savoir faire des plans vraiment iconiques avec pas grand-chose. Oui. Le plan d'Arnie avec les phares de Christine qui s'allument, je pense que c'est pas grand-chose à faire en réalité, même si ça, oui, doit être des lumières bien plus puissantes que les simples phares de voiture. Mais ça rend magnifique. C'est ça. Limite, ils auraient pu, en fait, un peu plus enlaidir l'acteur. Parce que dans le roman, on sait que Arnie est vraiment laid au début. Ouais. Et que de l'acné partout sur le visage, il n'a pas un visage très carré, des grosses lunettes qui lui dévorent toute la tronche. Ouais, là, ils ont gardé que les lunettes. Voilà. L'acteur de base, il est pas un canon de beauté, mais c'est pas un laidron, quoi. Oui. Et ils auraient pu peut-être jouer un peu plus sur ça, pour le coup, parce que. Pourtant, on nous fait comprendre que Arnie a changé, il a connu une métamorphose, alors que toi, en tant que spectateur, ce que tu vois, oui, c'est les lunettes. Oui, c'est moins marquant, C'est juste les lunettes en moins. C'est vraiment le... Pour et le coup, puis c'est son attitude globale, quoi. C'est vraiment, comme je disais, le côté Peter Parker, bah tiens, voilà. J'ai plus besoin de lunettes, c'est tout. Enfin bon, il y a d'autres choses, normalement. Faudrait peut-être offrir Christine à Daredevil. Hein. Il recouvrera la vue. Ouais. J'aime beaucoup aussi la scène au drive-in, où t'as cet éclairage bizarre qui vient de l'intérieur de Christine quand elle étouffe, enfin quand elle essaie d'étouffer oui. Lee avec un bout de sandwich. Oui, avec le hamburger. Mmh. D'ailleurs, elle aussi, elle s'en sort vraiment bien au niveau jeu, oui. Alors que c'est un de ses premiers rôles, donc. Tous les acteurs sont bons. Ce qui est rigolo, c'est que Carpenter, dans le commentaire audio, dit aussi tous les plans où, en fait, il y a un truc visuel qui est là, mais parce que c'était les conditions qui faisaient que c'était comme ça. Oui. Et notamment, il y a un plan où Christine est penchée, et tu peux croire, vu que c'est un moment où elle est un peu malsaine, on lui a beaucoup dit « Ah oui, c'est pour représenter le malaise de Christine. » Non, non, c'est la chaussée qui était penchée. Et il dit, je le dis dans le commentaire audio, mais il faut toujours faire croire que c'est volontaire. Vous laissez les journalistes parler et vous dites « Oui, oui, c'est ça, après. » Extraordinaire, commentaire. Ouais. Oh. J'aime beaucoup, moi, comment est filmé et comment réagit Christine à la mort d'Arnie aussi. Oui. Qui intervient à la fin, donc qui pendant toute la scène, on pense que c'est Christine seulement qui est là. C'est vraiment juste avant que Arnie meure, on voit qu'Arnie est dedans. C'est là où ouais. On comprend du coup que c'est lui qui est derrière le volant à ce moment-là. Qui du coup change du roman parce qu'il est pas là dans le roman. Voilà, vraiment il est pas là, il est avec sa mère à ce moment-là. Mmh. Là, il a un visage encore plus fou. Et en fait, c'est au moment où il veut renverser Light, donc son ancienne petite amie. Mmh. En explosant la baie vitrée du bureau du garagiste, bon, lui se prend un éclat de verre dans le ventre et projeté hors de la voiture. Du coup, est projeté dans les bras de son ex-petite amie et meurt comme ça. Et à ce moment-là, t'as les phares de Christine qui s'éteignent, oui. Le moteur aussi qui s'éteint. C'est, t'as une espèce de communion entre les deux, en fait. Et, c'est ça. Et la scène est très douce, c'est très... très posé et vraiment bien amené, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Et puis, déjà, ça fait un côté deuil qui est assez, assez joli. Et puis, ça fait croire que Christine, l'histoire est finie. Que c'est fini. Et en fait, après, t'as l'impression que Christine, limite, veut venger Arnie. C'est ça. Quand elle repart. Hein. C'est ça, après, quand Light sort du bureau, Christine se réveille et vrombrie à tout rond. Après, là, tu sens que c'est la colère qui prend le dessus, quoi. Ouais. Et c'est d'autant plus flippant, parce que là, pour le coup, maintenant, tu sais et t'es certain qu'il n'y a plus personne derrière le volant. Oui, c'est ça, qu'il n'y a plus personne qui peut la conduire. Donc oui, la relation, pour le coup, entre Arnie et Christine est vraiment très très bien mise en avant. Quoi. Ouais. Elle est tout aussi bien mise en avant que dans le roman, si ce n'est plus, même, parce que là, t'as l'aspect visuel en plus que tu n'as pas dans le roman. Bah oui, la fascination pour Christine ressent mieux dans le film que dans le roman, je trouve. Oui, clairement. C'est parce que c'est quelque chose de très visuel aussi. C'est ça. Non, bah voilà, je pense qu'on commence à avoir fait le tour. C'est un très très bon film. Ouais. Mais voilà, c'est frustrant parce que je le mettrais même pas dans mon top 5 des films de Carpenter, mais oui, c'est quand même un très grand film. Moi non plus, une mais très après, grande voilà, réussite. C'est ça le truc, c'est qu'on parle, d'un film, d'un réalisateur où toute la filmo est classique. Ouais, mis voilà. À part vraiment les derniers. C'est-à-dire, oui, on peut pas qualifier, même si toi et moi on l'aime beaucoup, on peut pas qualifier Ghost of Mars de classique. Oui, oui, ça voilà. D'accord. Et puis il y en a 2-3 du type vampire, oui, c'est vrai, Starman qui sont moins connus. Mais... C'est ça. On peut pas les classer vraiment de films classiques. Mais bon, il en a fait quand même un sacré nombre. Ça reste des bons films quand même. Mm. Et puis après, bon, les autres, c'est même pas que qu'ils sont classiques. C'est... Au-dessus, c'est le soleil. Oui, c'est ça. C'est... Au bout d'un moment, il faut dire les mots. Regardez-les. Si vraiment vous aimez pas l'horreur, tu as des gens bizarres comme ça, il y a toujours ces films d'action. Hein. Oui, voilà, c'est ça, il y a un saut à la limite. Ouais. Si vous aimez voir des gamins se faire shooter en gros plan. Et Jack Burton, il a fait ça dans un saut. Ouais. Jack Burton. Oui, Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, extraordinaire. Mm. Qui est ressorti il y a pas longtemps dans une jolie édition Steelbook. Oui, effectivement. Il y a un ou deux ans. Mm. Qui est un des meilleurs hommages hollywoodiens au cinéma HK, en fait. Oui, c'est ça. Une vraie critique aussi du. De comment on considère les seconds rôles sidekicks qu'on colle toujours dans la peau normalement des gens de couleur ou des d'origine ethnique différente que la nationalité américaine. Oui. Ah bah ça c'est magnifique dans Jack Burton, parce qu'en fait le héros Jack Burton, il passe complètement en retrait pendant une bonne partie du film. C'est lui le blaireau, c'est lui le mec. C'est ça, il pige rien en même temps, ce qui se passe autour de lui, c'est complètement con donc. C'est ça, en fait c'est son sidekick qui est le véritable héros et c'est d'où la critique du cinéma cinéma américain. Ça, Carpenter a toujours été très très critique, comme beaucoup de réalisateurs de cinéma de genre de sa génération, hein, il est très critique de l'industrie dans laquelle il évolue. C'est quand même incroyable que ça soit... Enfin, c'est quand même incroyable que... Les bits qu'il ait connus et le fait qu'il ait dû attendre autant de temps pour avoir une véritable renommée dans son pays d'origine. Ouais. Le mec a eu une plus grande renommée plus rapidement en Europe que chez lui, quoi. C'est triste. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours triste les films qui ont marqué l'histoire du cinéma, qui ont fait des bides à l'époque de leur sortie, que ce soit... c'est ça. À la limite, quand ils sont reconsidérés du vivant de leur réalisateur, on peut se dire au moins ils ont vu ça. Oui, c'est beaucoup plus triste quand c'est après. Ouais, Carpenter, au moins, il a connu vraiment la gloire. C'était ça. Après, oui, mais il n'y a pas que lui. Hein. Lui, Zemeckis aussi, des bides, il en a eu dans la gueule. Pourtant, ça fait mal. Pour le coup, Zemeckis, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été très bien considéré comme un grand réal. C'est pas faux. Alors que... Il a fait des trucs assez dingues. Enfin, il a une vraie cohérence de filmographie, Zemeckis. Au moins, Retour vers le futur a toujours été considéré comme un classique. Ouais, voilà, c'est ça. Au moins. Au moins, on a ça. Bon, il n'y a pas eu de chance pour Gremlins 2, alors que moi, personnellement... C'est pas Zemeckis, c'est Joe Dante. Ah, mais Joe Dante. Mais du coup, Joe Dante aussi a le même problème, d'ailleurs. Gremlins 2, le souci, c'est qu'il est moins pour enfants, quoi, donc... Alors que je le trouve beaucoup plus fun que... Ah, moi, je le trouve beaucoup plus fun, mais il est plus adulte, quoi. Voilà, je le trouve beaucoup plus fun et cool que le premier, mais bon, tant pis. Hein. Oui, mais moi aussi, je le préfère. Mais non, on s'éloigne. Ouais, arrêtons cette digression, voilà, regardez du Carpenter, regardez-en plein. Pour l'instant, on pourra jamais parler de Joe Dante dans cette émission, ni de Zemeckis. C'est pas faux, faux. Quand on a l'occasion, on le fait, quoi. On peut toujours espérer qu'un jour... Allez-y, les gars, adaptez un King, faites-nous plaisir. Bah oui, mais... On va ouvrir un Patreon. Juste pour regardez, il y a Edgar Wright qui s'y est mis. Vous pouvez tous y aller. J'ai hâte. Moi aussi. J'ai très hâte. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'extrait? On passe à l'extrait. C'est parti. The machine of a dream. Such a clean machine. Bien, nous allons donc lire un extrait tiré plutôt de la fin du roman, justement quand la nuit de la Saint-Sylvestre, Dennis monte en Christine après avoir passé le réveillon avec Arnie, et qu'il se rend compte que les choses sont un peu bizarres. Effectivement. Nous allons lire du coup une édition poche éditée par J'ai lu, et traduite de l'américain par Marie Millepoix. Et nous sommes donc du coup dans la partie 3, Christine, âge tendre et chanson de mort, au chapitre La nuit de la Saint-Sylvestre, à la page 309. Et on ne peut pas être plus précis que ça. Je ne sais comment vous raconter ce retour, ce trajet de 5 km qui ne peut avoir duré plus de 10 ou 12 minutes, sans passer pour un malade mental. Mais je ne dispose d'aucun moyen pour séparer le réel de l'imaginaire, l'objectif du subjectif, la vérité de l'horrible hallucination. Je suis au moins sûr d'une chose, ce n'était pas de l'ivresse. La légère griserie qui avait pu me laisser la bière s'évapora dès que commença cette excursion chez les damnés. Ce n'était pas Arnie qui conduisait, mais le bai, cadavre puant la tombe, squelette à demi rongé, chair spongieuse, bouton de sa veste rouillée. Des vers de terre sortaient de son col, un bourdonnement sortait de nulle part. Ce n'était pas un court-circuit dans le moteur, mais probablement des mouches dans sa cage thoracique. Il y avait aussi d'autres passagers dans la voiture. Levant les yeux vers le rétroviseur, j'aperçus une mannequin de cire, une femme qui me fixait du regard. Ses cheveux étaient coupés à la page, dans le style des années 50. Ses joues semblaient avoir été outrageusement maquillées. Je me souvins que l'empoisonnement par oxyde de carbone donne une illusion de vie et de couleur. Puis je vis dans le miroir une petite fille dont le visage noircissait sous l'effet de l'étouffement et dont les yeux allaient éclater. Je fermai les paupières et quand je les rouvris, c'était Buddy Riperton et Richie Trelawney. Du sang avait formé, en séchant, une croûte sur la bouche, le menton, le cou et la chemise de Buddy. Richie n'était qu'une carcasse roussie, mais ses yeux étaient vivants et remuaient. Lentement, Buddy tendit le bras. Il tenait une bouteille de Texas Driver dans sa main carbonisée. Je refermais les paupières. Ensuite, j'évitais de regarder dans le rétroviseur. Je me rappelle les chansons de rock'n'roll qui passaient à la radio. Dion and the Belmont, Ernie Kidou, The Royal Teen, Buddy Riddle, Oh Buddy, oh c'est le pied, nous sommes contents que tu ailles à une école branchée. Je me rappelle surtout m'être dit que tout cela n'était que dans ma tête, semblable au mirage qui hante la conscience du mangeur d'opium. Je ressemblais à un individu qui est salement défoncé et qui essaie de tenir une conversation avec un autre individu qui est à jeun. Car Arnie et moi parlions pendant tout ce temps. Je m'en souviens, mais pas de quoi nous parlions. Je faisais les réponses, je gardais une voix normale, je renvoyais la balle, les 10 ou 12 minutes parurent des heures. Je vous ai dit qu'il était impossible d'être objectif à propos de ce trajet en voiture. S'il y eut une suite logique, elle m'échappe. Ce trajet dans la nuit froide et noire, ce fut un trajet sur le boulevard central de l'enfer. Je ne me rappelle pas tout ce qui se passa, mais je me rappelle davantage que je ne voudrais. Une kermesse démentielle où tous les monstres sont vrais. De plus, nous avions remonté le temps, ou plus exactement, les rues, du Libertyville actuel ressemblait à une mince pellicule superposée à un décor qui semblait tendre ses bras morts vers nous, tentant de nous happer pour ne plus jamais nous relâcher. Arnie s'arrêtait à des carrefours où nous avions parfaitement le droit de passer, à d'autres où les feux étaient au rouge. Christine s'avançait, sans même freiner. Dans la grande rue, je vis la bijouterie Shepard et le théâtre du Strand, deux bâtiments rasés en 1972 pour faire place à la nouvelle Pennsylvania Merchant Bank. Les voitures garées le long des trottoirs, groupées ici et là, devant des maisons où l'on festoyait, semblaient toutes être des modèles d'avant 1960, ou, plus exactement, d'avant 1958. Buick, DeSoto, Firelighter, Dodge Lancer 57, Ford Fairlane, Pontiac, Rambler, Packard, Studebaker, ou même une Edsel flambant neuf. Ouais, cette année, ça va aller mieux. Je me tournais vers Arnie. C'était le bay. Cadavre pourrissant de bande dessinée d'épouvante. Ses doigts étaient des os, son pantalon était presque plat sur le siège, comme s'il n'y avait dedans que des manches de balai. Tu crois ? Je me retenais de respirer les miasmes suffocants de l'intérieur de la voiture. Sans hésitation ! C'était de nouveau Arnie, s'arrêtant à un stop. Tout ce que je demande, c'est que tu m'aides, Denis. Ne laisse pas ma mère t'attirer dans toutes ces conneries. Tout ça va se régler, finalement. De nouveau, c'était le bay. Souriant d'un rictus sans chair à l'idée que tout allait se régler, finalement. Je sentis que je commençais à perdre mes esprits. J'allais sûrement crier d'ici peu. Mes yeux se posèrent sur le tableau de bord et je vis alors ce que Light avait elle-même vu. Ce n'étaient pas des compteurs avec des aiguilles, mais des yeux verts luminescents et énormes qui me fixaient. Et puis, au bout d'un certain temps, le cauchemar prit fin. La voiture s'arrêta au bord d'un trottoir dans un quartier de la ville que je ne connaissais pas. Des maisons y étaient un peu partout en construction, et les phares puissants de Christine éclairaient une grande pancarte qui disait « Résidence Mapleway, contactez l'agence immobilière de Libertyville ». « Eh bien, te voilà rendu !» fit Arnie. « Tu pourras t'en sortir tout seul jusqu'à ta porte !» Je contemplais ce quartier désert en n'y comprenant rien, et fis oui de la tête. Mieux valait me retrouver ici, seul et soutenu par mes seules béquilles, que dans cette terrible voiture. Je sentis un large sourire de plastique se peindre sur mon visage. « Certainement !» « Je te remercie. » Le bay me regarda, rictus aux lèvres. « Reste simplement de mon côté, Denis. Tu sais ce qui arrive aux merdeux, qui n'en font rien. »« Oui, » répondis-je dans un souffle. J'ouvris la portière, sortis mes béquilles et me hissai dehors, sans songer à la glace sur laquelle je pouvais glisser. Les béquilles tinrent bon, et soudain, l'univers sembla se retourner sur lui-même, comme quand on tourne dans l'eau d'une piscine. Les lumières des maisons s'allumèrent, mais en réalité, bien entendu, elles étaient déjà là. Mes parents s'étaient installés à la résidence Mapleway en juin 1959, un an avant ma naissance. Nous habitions encore au même endroit, mais on n'appelait plus le quartier résidence Mapleway depuis 1963, ou 64 au plus tard. J'avais devant moi ma maison d'aujourd'hui, dans ma rue actuelle. Je me retournais vers la voiture, prêt à revoir encore une fois le bay, chauffeur de taxi infernal avec sa cargaison nocturne de défunts décomposés. Mais ce ne fut qu'Arnie, trop pâle et trop seul. Arnie, avec une dernière canette de bière calée entre les cuisses. « Bonne nuit, vieux !»« Bonne nuit !» lui répondis-je. « Sois prudent sur le chemin du retour. » Je claquais la portière. Mon épouvante avait fait place à un chagrin profond. C'était comme s'il avait été enterré vivant. Je regardais Christine s'éloigner du bord du trottoir. Je n'en détachais les yeux que lorsqu'elle eut tourné au coin de la rue, puis je me dirigeais vers la maison. Mon père avait versé sur l'allée un sac de 5 kilos de sel gemme en pensant à mon retour. Voilà. Et maintenant, la même scène, dans le film. Un toast. À la mort. De tous les connards du monde en 1979. Oh merde, Arnie, j'ai pas envie de boire à ça. À quoi veux-tu boire, alors? Et pourquoi pas à nous, hein? À l'amitié, par exemple. Ah, l'amitié. Ah oui, c'est une bonne idée, oui, c'est une bonne idée. N'aie pas peur. J'ai peur pour toi, mon vieux, pour ce qui t'arrive à cause de cette putain de bagnole. Ah, je sais que tu es jaloux. Mais on restera amis, tant que tu seras avec moi. Et tu sais ce qui arrive aux connards qui ne le sont pas? Non? Qu'est-ce qui leur arrive, dis-moi? Je t'en prie, Denise, pas de ça entre nous. Et qui sont ces connards? Tous, tout le monde. Arnie, Lee est avec toi. Ah oui? Oui, cette fille t'aime vraiment beaucoup. C'est vrai? Oui. Ah, tu n'aimes pas cette bière? Je croyais que t'aimais la bière. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Laisse-moi te dire ce que je pense de l'amour, Denise. L'amour a un appétit vorace. Il te bouffe tout. Les amis, la famille. Tout ce que ça bouffe, ça me sidère. Mais ce que je sais maintenant, c'est que si tu le nourris bien, ça peut devenir une belle chose, et c'est ce qui nous arrive. Quand tu es sûr que quelqu'un croit en toi, tu peux tout faire, tu peux faire tout ce dont tu as envie. Et si en plus tu crois toi-même en l'autre, mon vieux, alors attention le monde, personne ne pourra jamais t'arrêter, jamais! Arnie, c'est ce que tu éprouves pour Lee? Quoi? Bien sûr que non! Moi je te parle de Christine, imbécile! Aucun connard ne viendra se mettre entre moi et Christine! Très bien, donc on a pris cette scène-là parce que, comme on l'avait évoqué, là les différences sont assez majeures entre le livre et le film. C'est-à-dire que dans le livre, finalement, on va pas avoir tant de la discussion que ça. Par contre, on va avoir toute cette surimpression des fantômes et des années 50, ce qui est totalement absent du film, qui a par contre un assez long dialogue. D'ailleurs, la scène est même coupée, il y en a une version longue dans les bonus. Et puis surtout, on voit vraiment la différence entre le roman de fantôme possession et du coup, oui. Arnie qui pète totalement un boulard, quoi. Ce qui marche très bien, c'est que dans les deux, on a la même place de Denise terrorisée qui a l'impression d'être pris dans une sorte de cercueil, le cercueil roulant. Terrorisé et impuissant, parce que au final, oui, on peut très bien être en sécurité dans une voiture, tout comme... si on n'est pas avec la personne que l'on souhaite être, totalement prisonnier au final. Oui, ça c'est une impression qui est vachement bien rendue aussi, effectivement. Ouais. C'est ça qui est terrorisant avec une voiture. C'est cette impression à la fois de sécuriser, mais que si un drame se produit, au final tu peux totalement être enfermé à l'intérieur et donc en proie à n'importe quoi. Mmh. J'aime bien aussi dans le roman... le fait que oui, on a le B tout du long, mais à la fin il y a un dernier regard sur Arnie... qui n'a pas l'air... où Denis se rend compte que, d'une certaine façon, c'est fini pour lui, en fait. Oui, voilà. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte. Qu'il est impuissant à ce stade, jusqu'à ce point-là. Il peut même pas lui sauver son ami. C'est à ce moment-là même qu'il lui fait limite ses adieux. Ouais. Voilà. Donc la fin est assez touchante, en fait, de ce passage-là. Et c'est d'ailleurs ce qui se produit à la toute fin du roman, quand il gueule sur Christine de lui avoir pris son meilleur ami. Quoi. Oui. Il y a ça dans le roman et qui n'est pas du tout dans le film pour le coup. Ouais, ouais, c'est très touchant. Même s'il y a aussi la volonté dans le film de sauver Arnie, ouais. C'est vrai que c'est moins insistant quand même. Parce que finalement, vu que Arnie s'éloigne beaucoup plus lui-même dans le film, il finit par s'aliéner aussi Denise. Ouais. Tandis que ouais, dans le roman, Denise voit régulièrement le vrai Arnie qui continue à émerger sous Christine, oui, enfin sous le B. Dans le film, on n'a pas eu vraiment cette relation d'amitié qu'ils ont dès le début du roman. Oui, il y a moins de temps pour la développer aussi. Il y a moins de temps pour la développer, donc du coup, forcément, Carpenter le sait, hein, s'il n'y a pas d'empathie créée pour cette relation amicale, ça sert à rien d'en jouer sur la fin, quoi. Ouais, voilà, il peut pas trop se reposer dessus. Voilà, donc il a bien fait, encore une fois, de ne pas le mettre. Mais pour le coup, c'est deux scènes totalement réussies. Ouais. Qu'elle soit dans le roman ou dans l'adaptation de Carpenter. Les deux scènes sont réussies, les deux scènes sont plutôt effrayantes, ont une vraie tension. Les acteurs sont bons. Ouais. Et les personnages sont très bien décrits dans le roman. Et ça prépare dans le roman cette idée que Arnie va avoir un dernier moment pour essayer de lutter, ce qui va le tuer à la fin du roman. Mmh. Parce que là aussi, on sent qu'il émerge encore de temps en temps, comme si il y avait des très brefs moments où il essayait de résister lui-même à la possession par le baie. Ouais. Donc c'est vraiment... En plus, c'est des scènes... Enfin, quelques pages et quelques minutes dans le film, c'est des scènes assez courtes, mais qui mettent vraiment un gros coup de pression. C'est ça. Et qui annoncent la suite des œuvres de l'une, de l'un ou l'autre, quoi. Ouais, c'est ça, effectivement. Ça transpose vraiment ce qu'on va avoir par la suite, ça te met en place les événements qui vont en découler. Ouais, c'est ça. Donc voilà, encore un bon exemple, là pour le coup, un exemple d'éloignement dans l'adaptation, ouais, comme on l'a régulièrement dit, s'éloigner intelligemment, c'est souvent une bonne idée quand on le fait bien. Est-ce que tu veux faire un commentaire sur McFlanagan? Non, là, j'ai rien qui me vient, de toute façon, il reste très proche, lui, donc... voilà. Imagine, c'est lui qu'on appelle pour la nouvelle adaptation de Christine qui a été annoncée il n'y a pas longtemps. Non, le réalisateur a déjà été choisi, je sais plus qui c'est, mais c'est pas lui, ça m'aurait plus marqué que ça. C'est un pseudo. Peut-être. McFlanagan va nous la jouer, Batman, peut-être. Ouais. À l'enfer. Donc voilà, on va pouvoir classer tout ça. Allons-y. C'est parti. Alors, nous passons donc au classement. Comme d'habitude, on va commencer par le classement livres et nouvelles que je commente moi-même. Et ensuite, ça sera au tour d'Issam de vous présenter le classement des films. Le classement livre compte actuellement 26 positions, les trois premiers étant Cimetière, Charlie et La Part des Ténèbres, et les trois derniers étant L'Année du Loup-Garou, Docteur Sleep et Grand Chauffeur. Et mon cher Issam, je ne te cache pas, que c'est très compliqué de classer Christine, tant j'ai beaucoup d'affection pour les 12 premières positions. Tu vois, c'est quand même compliqué. C'est compliqué, mais moi, ce que je propose, ça serait soit entre Jesse et Salem, tu vois, dans cette zone-là environ, ouais, ou Jesse et Carrie. Alors, moi, à titre perso, ce que j'aurais mis, ça aurait été entre La Tour Sombre et Salem, donc du coup, des options que tu proposes, c'est entre Jesse et Salem que je vais privilégier. Ouais. Parce que, j'ai quand même envie de le mettre au-dessus de Jesse. C'est la fin qui, pour moi, handicape vraiment Jesse. Ouais, d'accord. Et puis, il y a l'originalité de l'idée, donc pour moi, voilà. Donc, entre Jesse et Salem. C'est ça, ce qui en fait la nouvelle dixième place. C'est ça, nouvelle dixième position, et Jesse devient la onzième. Du coup, Salem devient la... Ah bah non, Salem reste à la neuvième. Mais globalement, là, on le renouvelle, dans les romans, romans et nouvelles, faut vraiment descendre bien bas pour commencer à arriver à des trucs qui ne soient pas excellents. Ouais, bah jusqu'à 1408, après on passe dans le bien... Pour moi, tu peux même aller jusqu'à Desintox Inc. Ouais, Desintox Inc, elle est vraiment très très bien aussi. Desintox Inc, c'est pas excellent, c'est bien. Mm. Et après, à partir du fléau, ça chute, quoi. Ouais. Et encore, le fléau a ses hauts et ses bas, quoi. Ouais, c'est ça, le fléau, c'est à cause du fait qu'il est très inégal qu'on l'a mis là. Et donc, pour les films, où en sommes-nous? Pour les films, nous avons plus d'œuvres déjà. Oui, forcément. Nous en avons 34. Et nous avons aux trois premières places Carrie de Brian De Palma, Chambre 1408 de Mikael Avstrom et No Smoking d'Anurag Kashyap. Et aux trois dernières, Le Fléau de Mick Garris, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham et Doctor Sleep de Mike Flanagan. Et donc Jessie... Non, pas Jessie, Christine. Et donc Christine... Christine, c'est pas simple non plus, parce qu'on a quand même en tête des films, beaucoup de trucs qu'on aime beaucoup. Ouais. Pour moi, Jessie, ça va se jouer vraiment dans la lutte. Non, Christine. Décidément. Christine, dans la lutte, ça va se jouer avec Dead Zone. Donc soit au-dessus de Dead Zone, entre No Smoking et Dead Zone, donc à la quatrième place, soit entre Dead Zone et Cujo, donc à la cinquième. Moi, je te cache pas que j'ai quand même une nette préférence pour Dead Zone. Entre Dead Zone et Christine, je préfère revoir Dead Zone. Tu vois, si on doit choisir, je préfère revoir Dead Zone, personnellement. Bon, écoute, moi, les deux me vont. Donc, après, voilà, les deux me vont aussi. Hein. Non, bah, si t'as une préférence pour Dead Zone, on va mettre Christine en cinquième place. Et on en est quand même au stade du classement où Christine et John Carpenter n'arrivent pas à faire du top 3. Hein. C'est, voilà. C'est dire si on a des bonnes choses au début. Donc oui, excellent film, regardez-le. On a oublié de souligner un truc. Ouais. C'est que, du coup, King a déjà parlé, parlera dans un autre roman plus tard de Carpenter, avec les crapules de bas étage. Ah oui, effectivement, puisqu'il ils vont voir un Carpenter au cinéma, ouais. Il nous parlera des enfants ouais. d'année. Mais... village d'année. Alors du coup, il parle duquel ? Il parle peut-être plutôt de l'original, vu l'époque à laquelle oui, se place Crapule de bas étage. Ah oui, effectivement, je pense. Peut-être plus de l'original. Mm. Mais c'est possible qu'il y ait des références à Carpenter dans d'autres King. Hein. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas, en fait. Là, je ne les ai pas en tête, mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Parce que c'est un réalisateur qu'il aime bien, il le confesse lui-même. Je pense que quand t'aimes bien le... l'horrifique, forcément... Ouais, c'est un peu... un peu compliqué, immanquable. Quoi, de ne pas parler de Carpenter, de ne pas apprécier son travail. Quand même. Bon, bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour parler de La peau sur les os, donc écrit sous le nom Richard Bachman, et le film de Tom Holland. On va évoquer Richard Bachman pour la première fois. Ouais. Vous n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, @crazybulle pour moi. Ouais, sur Discord aussi, il y aura le lien dans la description. Oui. Et nous sommes aussi présents dans d'autres podcasts. On va vraiment essayer de reprendre. Oui. C'est toujours peut-être à la rentrée maintenant, maintenant qu'on en est là. Maintenant, je pense que... Voilà, pour la rentrée, c'est bon. Casse sur table et la guerre des claps. On vous tiendra au courant en espérant que ça ira cette fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires partout sur... Ouais, c'est ça. On en a eu sur Discord, c'est très gentil. Oui. Et sur Twitter aussi, c'est gentil de nous en laisser. Ça fait plaisir, de voir qu'on est suivi. Ça fait battre notre petit cocoron. Et n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut! Salut!